a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Flurry did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone début. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the man is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The man have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. L'émission que chaque semaine vous parle du sport amateur, pas récréationnel. Oh, des fois on accroche le récréationnel, un peu de professionnel un peu partout à travers le monde, mais surtout à Mauricie. La douce voix sensuelle du matin que vous venez d'entendre, c'est celle de Sébastien Proulx, toujours aussi profond au niveau des octaves. Ah ouais, j'ai de la misère à respirer un peu, je reprends mon souffle, ça s'en vient. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a fallu que je cours quelque part un matin, quelqu'un qui n'était pas à l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui a encore oublié sa clé USB à la bibliothèque? On dirait bien. Moi, le monde. On le pardonne, il y a eu une... il y a eu une nuit de travail intense. Ouais, c'est la fin de session, c'est bon de mentionner que... C'est pas une nuit de travail intense. Comme, non. C'est une nuit de travail intense comme on les aime pas. Et à ma gauche, Pierre-Luc Giroux. Live from Québec. Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va bien. Il y a du gros du stock avec le junior major en fin de semaine. Oui. OK, mais je pense qu'à Québec, à Québec, il y avait gros du stock, ouais, c'est aussi, vrai. Aussi. Hein? On a plusieurs choses à parler aujourd'hui. On peut le dire, mais allons-y, là. Juste se gâter, là. Ça fait du bien une deuxième Coupe Grey, hein? Ça fait du bien en masse. Surtout aussi spectaculaire que ça, enfin. Moi, je croyais pas. J'y croyais pas. Il y en avait beaucoup qui avaient lancé la serviette. 27-11, là, j'avais jeté la serviette. C'était évident que le monde. Avant encore là, dans la dernière une autre saison. Le monde commençait à dire déjà Calvillo choke une autre fois. C'était déjà commencé, là, le chialage. Il y en a une couple qui se sont mis le pied dans la bouche puis que ça a pas donné exactement. Ça a changé. La donne a changé assez rapidement au quatrième quart. Ouais. Mais vraiment, les dernières 7 minutes, là, à peu près, les Alouettes ont joué... C'était intense. Jamais j'aurais cru ça, mais en tout cas... Le 13e homme. Hein. Il y a une couple de groupes de Facebook qui sont apparus. Je suis un fan du 13e homme. I'm a fan of the 13 men pour les Anglos. Fait que, pour le pari. Donc, alors, cette semaine à l'émission, bon, on va parler des Patriots, on va parler hockey junior. Shawinigan qui jouait 3 matchs. Oui, les Cataractes qui vont très bien ces temps-ci. Hein, depuis le retour de la Sherman. Ouais, on dirait que ça leur fait un petit beau, on va en parler plus tard. Un nouveau club, exactement. Besoin de repos. Ouais. Besoin de repos. On va parler... MMA, Combat Team. Il y avait-tu un gala en fin de semaine? Ou? En fin de semaine, il y en a un. Là. OK, ça vient. Cette semaine-ci. Puis on va parler aussi, on va avoir Gabriel Lavallée en nombre qui va venir nous parler. Il y a un gala cette fin de semaine. Ici à Trois-Rivières. Un gala XMF 2 qui est au Séminaire Saint-Joseph. Séminaire Saint-Joseph sur la Violette. Gabriel va venir nous parler de ça à 10h. Gabriel qui est propriétaire d'une octogone et l'organisateur de cet événement. Pas là-dessus, on a-tu d'autres choses à parler? Là, on va parler des Golden Gales qui ont remporté la Coupe Bannier. Football, JP Grenier devrait se joindre à nous vers 10h20. Par contre, on se croise les doigts. JP, malheureusement, des petits problèmes avec son internet chez lui, donc... Sinon, je vais parler football. Je vais avoir un long segment, donc c'est ça. Donc, allons-y avec les nouvelles. Allons-y avec les Patriots. Qui jouait deux parties cette fin de semaine contre des équipes de l'Ontario. Premièrement, ils affrontaient le Varsity de Toronto. C'était vendredi à Toronto en tant que tel. C'est toujours des bons rivaux. Ils ont Toronto, une équipe pas super bien classée au classement. Oui, classée au classement, ça se dit bien. pas pas une équipe nécessairement dangereuse. Sauf contre les Patriotes, ils ont du succès. Ben, ils se serrent souvent contre Toronto. La partie s'est finie 4-3. Les tirs, bon, j'ai 40-22 de la part des Patriotes. Donc, nos stats match cette semaine, oui. Ça a de l'allure, bon, c'est déjà ça. Donc, 40-22, encore une fois, les Patriotes qui dominent au niveau des tirs, peut-être un manque de finition, seulement 4 buts sur 40 tirs. Ça peut être aussi le Ross Brownell, le gardien du Varsity, qui a eu une bonne partie aussi. Des fois, un goaler hot, c'est un goaler hot. Ça s'est terminé en prolongation. Donc, les buts pour les Patriotes et ben, le sommaire, dans le fond, c'est Toronto qui ouvre la main, qui commence très fort la partie. C'est Crowdery qui marque le premier but à 10-26. Son coéquipier Rand marque son deuxième de la saison à 18-31 sur l'avantage numérique, donc 2-0. C'était déjà 2-0 après la première période. On se laisse pas faire du côté de l'UQTR. Deuxième période, Pierre-Luc Donovan. Olivier. Pierre-Olivier Donovan, désolé. qui marque son quatrième de la saison, des aides à Bellefleur et Lévesque à 7-27. Donc c'est 2-1 après la deuxième période. En troisième période, c'est Francis Charland, encore lui, qui vient faire son 13e but de la partie. De la saison plutôt. Des aides à Domers et Blanchard à 1-43, donc on commence la période très très fort. Ça se continue. Domers qui vient faire son 7e de la saison, une aide à Charland, donc un deuxième point pour Charland à 6-53 sur l'avantage numérique. Donc c'est maintenant 3-2 pour les Patriotes, début de 3e. Mais Elliott du côté de Toronto vient faire son 8e de la saison, des aides à Caudry et Rand à 19-44, donc à la fin du match. Ça force les deux équipes à aller en prolongation. C'est Nicolas Désillet, le défenseur, qui marque son 2e de la saison. Une aide à Demers là-dessus à 1-15. Les Patriotes remportent la partie. Gros match de Demers. Hein? Gros match de Demers. On parle ici pour Demers d'un but, deux passes pour un total de 3 points. J'imagine qu'il a été nommé la première étoile. Malheureusement, Toronto ne nous a pas fourni les étoiles. Non, tu peux aller voir sur CSIC. Ils ne sont pas fournis. On les a pas, donc... peut-être un manque d'organisation là-bas là, de la part de Toronto. Bon, les plantés, on n'a pas à foule non plus. Non, à moins qu'il y avait vraiment zéro personne qui se sont présentées. Je l'avais, je pense. Tu penses? Je vérifie tant. Fouille ça, là. Surprends-moi. Donc, c'est ce qui fait justement pour ce match-là. Les avantages numériques, bon, ben 1 en 2 pour UQTR, donc une moyenne de 50%. 1 en 4 pour Toronto, une partie plutôt disciplinée. Contrairement à la partie du lendemain après-midi, entre l'université ici et le RMC, le Royal Military College, les Paladins, pour nommer leur vrai nom. Vraiment très beau comme nom aussi. Donc, ça s'est terminé 5-0. Une belle dégelée de la part des Patriotes. 30-15 les tirs. Donc, RMC n'ont pas fait grand-chose. RMC ne sont pas très bien classés non plus au niveau du classement. Allons-y avec le sommaire. C'est Bellevance Martin qui marque... son quatrième but en première période, quatrième but de la saison, des aides à Donovan et Leblanc. Hey, bonne fin de semaine pour Donovan aussi. Il commence à se réveiller tranquillement pour niveau offensif. Ouais, ben, peut-être qu'il a plus à utiliser défensivement. Il a changé de trio, je pense, qu'il jouait avec Bellevance. Ça se peut. Il me semble Bellevance, Martin, Breton, puis Charlin. Ils n'ont pas joué ensemble dans cette match. C'est ça, moi aussi, j'ai remarqué ça en fin de semaine. On a splitté un peu le... Demers s'est rendu avec Breton puis Charlin. Oui, c'est ça, j'ai vu moi aussi, donc... On a défait le trio qui marchait très fort, peut-être pour aller chercher un petit peu plus de stabilité. De stabilité. En attendant les nouveaux venus qui vont arriver à cet hiver, on en avait parlé, là. Félix Petit, puis... La montagne qui va arriver. Ouais, la montagne, Fréchette. Ça, c'est des défenseurs, mais... Il y a un autre joueur qui avait été repêché, je m'en souviens plus. Ouais, c'est lui qui me manque, là. C'est lui qui joue avec... Non, c'est Pierre-Luc, Pierre... On le voit. Ah oui, Lessard. Lessard, c'est exactement ça. Donc, Pierre-Luc Lessard, qui les deux ont du potentiel offensif, devraient être des atouts. Donc, la profondeur va vraiment venir se rajouter. Donc, Bellevance Martin, comme j'ai dit, son quatrième de la saison, c'était de Donovan et Leblanc en avantage numérique. Deuxième période, c'est Bellevance Martin encore qui vient faire son cinquième, des aides à Boivin et Donovan. UQTR continue sur leur lancée. C'est Alexandre Demers qui fait son 8e de la saison. Ça se continue pour Demers. Et, petit réveil, il avait eu des... Mathieu, il a fait une commotion, là, donc peut-être qu'il était un peu encore affligé par ça. Ça semble être de retour pour Alexandre Demers, l'ancien produit des Voltigeurs de Drummondville. Des aides à Charland et Breton sur son but. En deuxième période encore, c'est Alexandre Blais qui fait son 6e de la saison. Une aide à Jonca. Et finalement, en troisième période, à 33 secondes du début de la période, Bellevance Martin vient compléter son tour du chapeau. Une aide à Jonca et à Blais. Donc, j'ai l'impression que Jonca, Blais, Bellevance Martin devaient jouer ensemble, oui. Selon les aides. Donc, comme tu dis, Demers est rendu le trio en haut avec Charlin et Breton. Partie plutôt rude. En troisième période, en ça troisième période, là, à 14 minutes 29, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pénalités similaires. À 5-0, souvent, ça, l'intensité monte un peu. Et c'est ça qui est arrivé. Samuel Richard, éjection de partie. On a aussi la victoire du côté de RMC, la victoire qui a perdu le match. Il en fallait une, tu l'as fait. Landon, la victoire en plus, son nom. Ouais. Non, j'essayais juste de gagner du temps pendant que je cliquais sur son nom. Sur Donc, qui lui aussi est éjecté de la partie. Et finalement, Cox. À la fin du match. Oui, il restait 17 minutes 12 à la. Non, pas 17 minutes 12, mais il restait 2 minutes et 48. Les maths c'est à matin. Précis. Sean Cox qui se fait mettre dehors de la partie pour une mise en échec à la tête. Donc, vraiment, RMC qui sont venus, les militaires n'ont pas été très disciplinés là-dessus, disons-le. Les avantages numériques, bon, ben, c'est 2 en 11 pour les Patriotes, pas la meilleure moyenne plus. Mais, non, pas la meilleure moyenne, mais c'est, bon, c'est, dans la fin de semaine, ils sont quand même 3 en 12. C'est pas pire, c'est 25%. C'est 25%. Du côté d'RMC, 0 en 3. Donc, c'est ça. Pas d'informations sur la foule, pas d'informations sur les étoiles du côté d'RMC. Donc, c'est peut-être pas tous les programmes qui sont sérieux quand tu vois ça. Si on n'est pas capable d'avoir un petit peu d'informations là-dessus, c'est dommage. Donc, c'était qui était dans les buts, celle-là? C'était Comeau? Oui, Sébastien Comeau était dans les buts. Donc, sa deuxième victoire de la saison, si je ne me déprise, par jeu blanc de surcroît. Donc, félicitations à lui. On était pas sûr justement. On savait que Jean-Christophe Blanchard allait garder les buts très souvent cette année. Comeau a eu 2 départs. Et puis l'autre, c'était Lévesque. Lévesque. Mathieu Lévesque a eu un départ, le troisième gardien de but. Je sais pas si Comeau t'es blessé, hein, il me semble. Je pense que c'est ça que j'ai entendu parler. Oui, ouais, exactement. Donc, vois-tu, Comeau, une victoire et c'était une défaite en tir de pénalité. Mais il y a une moyenne quand même très, très respectable pour les deux matchs. 0.75, mais c'est sûr que c'est deux matchs aussi. Mais... De but contre et 0.960 pour les buts, pour la moyenne de buts alloués. Donc, allons-y avec le classement de la Ligue, de la division, la UUA, la division athlétique d'Ontario, de conférence, d'association. En tout cas, dans l'Ouest, c'est Western qui est toujours premier. 15 matchs joués, 13 victoires, 2 défaites, 26 points. Sont suivis de Lakehead. 16 victoires, 11 défaites, 3 matchs nuls. Non, excuse-moi. 11 victoires. 16 matchs, 11 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Laurier arrive 3e position, 15 matchs, 10 victoires, 4 défaites, 1 match nul. Western sont en feu, 13 victoires de jeu. C'est les champions nationaux, hein, donc ils ont probablement eu un mauvais départ Grieco, en tant que c'est le gardien Grieco. C'est Anthony Grieco, exactement. Ouais. Je sais pas si Grieco avait gardé les buts les deux premiers matchs. C'est les deux seules défaites. Non, il y a eu une victoire, deux défaites au début. Ouais. T'attends-tu d'aller voir ça? Si Grieco était dans les buts pour les deux premières parties, tu sais, il y avait peut-être quelque chose avec les études et tout ça. Dans l'Est, bon, les Patriots sont toujours premiers. Un très bon début de saison pour eux. 13 victoires, 2 défaites, 0 match nul, 26 points. Donc, dans le fond, c'était une victoire en fusillade pour Sébastien Comeau et non pas une défaite. 26 points, comme je disais. C'est McGill qui est deuxième. Bon, McGill qui commence à rattraper le nombre de matchs joués qu'il y avait de retard. Eux qui ont commencé la saison plus tard ont joué partie d'exhibition contre Harvard aussi. Oui. On n'a pas les résumés de matchs pour les deux premiers matchs de l'année pour Western. Fait qu'on peut pas le savoir. Désolé. Malheureusement, les recherches sont faites, mais non, ils ne sont pas disponibles. T'auras essayé. Ouais. Désolé, on est perdu. Dans l'Est, je crois. Dans l'Est, comme exactement. Tu dis, McGill, dans le fond, ils ont 3 matchs de moins de jouer. Oui, exactement. Avec 3 victoires, on rattraperait les Patriots. Exactement. Donc, ça leur prend 3 victoires. C'est pas fait en tant que tel, mais on sait que QTR et McGill ne se sont pas affrontés. Ça va être des matchs de 4 points pour eux en deuxième partie de saison. Des matchs très importants. Ça va être très intéressant à suivre. En troisième position, on retrouve Carlton, les Ravens. Tout de suite, on voit qu'il y a une scission qui se fait, une différence au niveau des points. Carlton, qui avec 15 matchs joués, 7 victoires, 6 défaites, donc ça joue un petit peu plus en haut de 300. 500. 2 nuls pour eux, 16 points, sont à égalité avec Ryerson. Toutefois, on a un match d'avance sur Ryerson. Parlons de Népessing, ça va pas bien. Après un début de saison où ils étaient 6-1, ils sont maintenant 6-8-1. Leur seule défaite avait été contre les Patriots. Ça s'est calmé. Bon, c'est un nouveau programme. Manque peut-être un petit peu de maturité, un petit peu de manière de travailler. ça va mal pour eux. Non, ça va pas bien. Donc, 6-8 et Concordia qui ont maintenant une autre victoire pour Concordia. Ils ont 3 victoires, 12 défaites, 0 match nul. Eux qui ont peut-être, écoute, reçu un boost suite à leur victoire de la semaine dernière contre les Patriotes. Donc, ça risque de terminer dernier quand même. Mais... ah, peut-être pas. Bon, ils sont mal partis, avant. Mais bon, ils ne feront pas une série, ça. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr. Allons-y avec les pointeurs, les meilleurs scoreurs de la Ligue. C'est le représentant des Patriotes, Francis Charland, qui est maintenant le meilleur marqueur de la Ligue. Lui qui est en montée depuis quelques semaines. Là. Il était à peu près 10e, il n'y a pas longtemps, maintenant rendu premier. 15 matchs, 13 buts, 14 passes, 27 points, 4 minutes de pénalité. Brock McPherson de Lakehead, 14 mats, 14 buts, 12 points, 12 passes plutôt, 26 points. Égalité avec Aaron Snow de Western, qui a aussi 26 points. Et aussi, dans le top 20, on retrouve Jean-Sébastien Breton, le centre, 8 buts, 12 passes, 20 points. Donc, de ces trios, le fameux trio qu'on parlait, là, qui a été défaite en tant que tel, qui manque Étienne Bellavance-Martin. Pour l'instant, avec la fin de semaine que Bellavance-Martin a eue, est-ce qu'on le remonte ou justement, bon, il s'entend bien avec ses nouveaux coéquipiers de travail, on laisse ça comme ça, on va chercher... de le laisser comme ça. Ben, moi, c'est ça, je pense aussi. On va chercher un peu de stabilité en tant que tel, là, et de beaucoup plus de profondeur. T'as deux trios qui sont très dangereux. Je pense que ça va être la façon d'y aller pour Jacques Laporte, pour les matchs de cette fin de semaine, qui sont les derniers matchs des Patriotes avant le temps des fêtes. Les gars disposent d'une période d'études pour faire leurs devoirs. Donc, c'est cela. Chez les gardiens, c'est Anthony Grieco qui est toujours le meilleur gardien de la Ligue. Une moyenne de but accordée de 1.66, moyenne d'efficacité de 0.954. Des chiffres à faire rêver n'importe quel gardien. Voyez-vous, Grieco, c'est lui qui avait les deux défaites par contre, parce que en 10 matchs joués, 8 victoires, 0 défaites. 10 matchs joués, 8 victoires, 0 défaites, excuse. Donc c'était l'autre gardien qui était là. Il est venu en relève probablement. Et puis Grieco est là que l'équipe. Ah, probablement Grieco n'était pas le partant au début de la saison. C'est ça. Wow, ça a changé. Ça fait du bien à ton équipe. Ça a changé pour le bon, hein, de son côté. Là. C'est sa première saison avec Rico aussi, donc n'avait peut-être pas obtenu le filet en début, mais je peux te dire que le remplaçant chez Western, il l'a pu. C'est-à-dire Kevin Hunt, son prénom, son nom au deuxième gardien de chez Western, qui a une fiche de 5 et 2, justement. Donc 5 et 2 qui n'est pas mauvais, mais c'est pas assez dans ce cas-ci. As-tu vu la fiche de Bobby Nadeau? 4.48 de moyenne et 8.84 d'efficacité. Il est perturbé. Il est perturbé. Il est encore perturbé. Il est perturbé. Il s'en remettra jamais. Ah, c'est fini. C'est fini. Et où lui, Nadeau est à Moncton? Il est à CDAL, les initiales. CDAL? DAL. Ah, Dalhousie? Dalhousie. Oui. Dalhousie. Je pensais qu'il avait signé. Je savais qu'il avait signé des Maritimes, mais je me souviens plus. Belle fiche de 3 victoires, 11 défaites. Dalhousie. Dalhousie, c'était à côté d'Halifax, si je ne me trompe pas. Bon, ben, Jean-Christophe Blanchard, le gardien des Patriotes, 13 matchs, 11 victoires, 2 défaites. Comme on a dit, c'est lui qui a obtenu le plus de glace du côté des Patriotes. C'était après, bon, on l'avait dit au début de l'année. Moyenne de but accordé de 2.49 et une moyenne d'efficacité de 9.14. Allons-y avec l'athlète de la semaine. Bon, ben c'est sans surprise que c'est Étienne Bellavance-Martin. Le vétéran de 2 saisons avec l'équipe de hockey a enregistré un tour du chapeau pour aider les Patriotes à vaincre les paladins du Collège militaire royal. C'est ça en français, le Collège militaire royal. RMC en anglais. CMR en français. Oui, CMR. Ils ont été avec les mêmes initiales, hein, probablement. Justement, dans la victoire de 5-0, lui aussi, un produit des Voltigeurs de Drummondville avec Alexandre Demers, cumule 6 buts et 7 passes depuis le début de la saison. Lui qui en a sa deuxième année d'études en administration. Le top 10, bon, ben le top 10 date de mercredi dernier, on le sait. Le top 10 sort le lendemain de notre émission, donc on y va avec comment c'était. C'est UNB qui est toujours premier, Université du Nouveau-Brunswick. Deuxième position, Alberta. Troisième position, Western Ontario, justement, qui ont fait une montée, eux, qui ont commencé très très bas au niveau du début de la saison. L'UQTR est quatrième, McGill est cinquième, Manitoba, Acadia, St. Mary's, Wilfrid Laurier et Lakehead vient fermer la marche. C'est ce qui conclut pour les Patriotes pour cette semaine. Pas vrai, j'ai de quoi dire. On a parlé la semaine passée du départ de Nicolas Caouette de l'équipe. Ouais. J'avais mentionné, bon, c'était peut-être à cause du temps de glace, tout ça. J'ai parlé avec Nicolas. Non, ça n'a rien à voir avec son temps de glace pour des raisons différentes. Décision personnelle. Donc, c'est ça. Je voulais juste remettre les faits. Ouais, une petite parenthèse, mettre les faits. Donc, ça n'a rien à voir avec le temps de glace du centre. C'est pour d'autres raisons. Donc, c'est ça. Allons-y en musique. J'ai le goût d'en écouter un petit peu de musique. La chanson, le groupe s'appelle Le Nombre. La chanson s'appelle D.B. Cooper. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Ben, me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. Le Nombre avec la chanson D.B. Cooper ou D.B. Cooper. On y va en français. Hockey Junior. Allons-y. Puis, Luc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du Hockey Junior cette semaine? Beaucoup de matchs en fin de semaine. Ouais. Les trois équipes de la Mauricie et du Centre du Québec ont été en action. Donc, les Cataractes avaient trois matchs cette fin de semaine. Les Tigres en avaient trois. Il y en a un qui a été annulé à cause de la raison médicale pour les Foreurs de Val-d'Or qui sont quelque peu chippés. Mal à manger, ou si on peut, ouais. On veut dire aussi. Et les Voltigeurs qui avaient trois matchs dans les Maritimes, un petit peu plus difficile pour eux autres, par exemple, contrairement aux Cataractes qui ont connu une très bonne fin de semaine. Donc, les Cataractes, tout d'abord, jouaient leur premier match ce mercredi. C'était au Centre Bionesse, alors qu'ils recevaient les Maniacs de Lewiston. Nicolas, je pense que tu as assisté au match. Exactement, les conduites de partie étaient sur place. Donc, allons-y avec les notes de match pour commencer. C'était les débuts de Jean-Laurence Beauchemin, lui qui a quitté l'équipe de Youngstown dans la USHL. C'est pas un petit bonhomme, hein? 6 pieds 4, 187 non, livres. Donc, une belle acquisition. 18 ans seulement. C'est une belle acquisition au niveau du corps défensif des Cataractes. Étienne Saint-Germain, qui finissait sa suspension, pour jouer sa suspension de 5 matchs, donc aurait pu être de retour dans l'alignement. Le défenseur était laissé de côté en faveur de Beauchemin, donc il devait manger le banc dans les estrades. Ouais. Il ne devait pas être content. Lewiston, ça va pas bien. Lewiston fiche ses 6 défaites de suite avant la partie. Ça s'est continué. Victoire sans équivoque des Cataractes 9-4. Ouais. Je peux dire que Gabriel. C'est une grosse victoire d'équipe, hein, ça, par exemple. On a 8 marqueurs différents. Oui, oui, exactement. Surtout, l'attaque est venue beaucoup des défenseurs. Okay? Je vais y aller avec le sommaire du match. Bon, ben, à 3 minutes 10, c'est Jean-Laurence Beauchemin, le nouveau qui compte un but à son premier match. un tir de la ligne bleue, les aides de Pierre-Éric Martel, Philippe Paradis, donc Paradis. Hey, je vais en parler. Paradis s'était fait ramasser un peu dans les journaux par son coach. Ouais. Il reprochait sa façon de travailler puis sa façon de jouer. En tout cas, ça s'est placé un peu. Ça s'est placé dans cette match-là. En effet, vous allez voir. Chez deuxième but, c'est 2-0. C'est une belle entrée de zone de Philippe Paradis qui remet la rondelle à Michael Claflin, le défenseur qui était acquis de l'Ouest. Il performe 13 en 16. Performe, puis il n'est pas encore en shape. J'ai parlé avec après la partie. Il va suivre des cours de power skating, un peu améliorer ça. Belle acquisition, belle affaire. C'est ça. C'est peut-être pas le meilleur au niveau de son jeu défensif. Mais je pense que ça peut s'améliorer, ça peut se travailler. Pas un grand gars, par contre. Il est juste costaud. Ouais, ben, il est à 194 livres. Je pense qu'il fallait qu'il perde un peu de poids, là, qu'ils ont dit. Donc, il voulait descendre à 190. Là, donc, Mario Claflin, Philippe Paradis, Yannick Veilleux, les aides. Ça se continue. Toi, c'est Lewiston. Donc, ça se continue pas, ça s'arrête. Lewiston, c'est Michael Chaput qui compte son 10e de la partie. Des aides à Mathieu Gingras et Sébastien Toudeau en avantage numérique. Par contre, 10e de la partie. Ah, 10e, excuse-moi, 10e de la saison. Je suis tout à ça, en plus. 10 buts dans une game, moi, c'est un record, ça. Joe Malone, va-t'en, Joe Malone. je sais pas c'est qui le record dans la Ligue junior majeure du Québec. Par contre, je suis curieux de savoir. Lafleur. T'es sûr? Ben, dans le livre des records. C'est bon. Allez, mon petit recherchiste. Sors-moi météo, on veut savoir comment il fait dehors. Neige le matin, petite neige tombe. Ouais, 2 jours en ligne, la neige le matin. Ouais, exactement. Okay. Donc, 3-1 Shawinigan, c'est Pierre-Alexandre Van Dijk qui fait son 15e de la saison, des aides de Charles-Olivier Roussel et Michael Claflin. C'est les tirs après la première période, 13-7 pour les Cataractes. En deuxième période, Lewiston, bon, ben, ça font 3-2. Sébastien Trudeau, son 6e. Un petit peu plus serré, c'est sur une mauvaise pénalité à Antoine Houde-Caron. Shawinigan, toutefois, revient et c'est la dégelée qui commence. Font 4-2. C'est Philippe Paradis, encore lui, des aides à Nicolas Roque-Marcoux et Michael Bonival. 5-2 pour Shawinigan. Charles-Henri Roussel, son 5e. Dave Labrec, Philippe Paradis, encore lui. On l'avait dit, il fallait qu'il joue mieux. C'est fait. Et ça se continue pour la deuxième période. C'est 6-2 quand Raphaël Pouliot vient faire son 2e de la saison. Des aides à Tony Ritter et Michael Bournival. Donc, Adrien Lemay, le gardien de Lewiston, en a vu du rubber, pas à peu près. Ouais. Tu l'as-tu? Le record, c'est Normand Aubin avec 8. Ah. Stéphane Lebeau avec 8 et Mathieu Benoît avec 8. Ah, Norm. Lafleur en avait 7, mais c'est quand même. Ah, proche. Bon, ouais, on n'était pas loin. Pas bon, pas bon. Les tirs en deuxième période, 26-9 pour les Cataractes. C'est tout ce que je peux dire. C'est Jordan Kennedy qui prend la place d'Adrien Lemay dans la troisième période, suite à justement la performance de Lemay qui laissait un petit peu à désirer, quoique avec tout ce qu'il a mangé comme tir. Ça se continue. Lewiston vient faire la marque, vient réduire l'écart à 6-3. Mathieu Gingras, son 2e de la saison avec Alexis Piette et Pierre-Olivier Morin. Shawinigan de retour, 7-3. Claflin, son 2e du match avec Vandal et Charles-Olivier Roussel en avantage numérique. Antoine Houde-Caron, qui, tant qu'à moi, est un peu une déception, lui et Dave Labrec, c'est pas, ça n'a jamais été ce que ça aurait pu être pour eux. Dave Labrec qui appartient à Toronto, si je ne me trompe pas. Philadelphie, excuse. Philadelphie, donc, en tout cas, je pense pas que ça va débloquer pour lui. On va voir, si jamais. Qui fait la marque 8-3. Lewiston vient mettre un but de plus. C'est Étienne Brodeur sans aide. Avec un bon tir, Gabriel Girard par faible un peu sur le jeu. Quand t'as pas beaucoup de tirs aussi dans une partie, bon, tu deviens un petit peu plus cold, fait que ça l'a affecté. Et finalement, Dave Labrec qui vient qui marque le plus beau but de la partie avec une magnifique passe de Maxime Legault de dos pour faire la marque 9-4. C'est comme ça que ça se termine. C'est une 7e défaite de suite pour les Maniacs et une 7e défaite de suite pour les Maniacs à Shawinigan. Donc, beaucoup de problèmes pour eux de jouer à Shawinigan. On va aller! Joue quand même assez souvent à Shawinigan. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça le problème. C'est cette défaite pareille. Je les ai vus gagner en pré-saison, mais c'était le pré-saison. Ça compte pas! On va aller aux entrevues d'après-match. On va aller écouter les commentaires du coach Éric Veilleux sur l'effort de ses boys. C'est fun de jouer un match facile comme ça. Tu sais, scorer beaucoup de buts, tout ça pour les gars. Ben, oui et non. Fun de compter des buts, c'est sûr que c'est le fun, tu sais. Ils ont travaillé pour avoir des chances de marquer, sauf que on n'a pas eu du trafic en avant du filet comme j'aurais aimé. On l'aurait dit après la première, on changeait un petit peu en deuxième. En deuxième, avec les power play qu'on a eu, le problème était là, on n'avait pas de monde en avant du but. Là. T'es là, puis tu t'enlèves quand la shot vient, ça marche pas. Content quand même l'intensité des gars pour toute la partie? Non, pas toute la match, là. En première, moyen. En deuxième, oui. Troisième, correct, là. Faites des petites affaires, là, tu sais, qui... Turnover pour rien, là. Faut apprendre à jouer, peu importe le score, c'est quand même pas évident. Les buts viennent d'en arrière. Un qui a été dévié en plus par Vandal. Ça, le truc ce soir, les enjeux de pointe. Quand un club referme beaucoup, joue proche du filet, tu sais, ils ont pas donné, ils sont quand même en avantage numérique surtout. Fallait que ça vienne de là, sinon, c'était impossible de rentrer. Là, ils étaient 4 là, en avant du filet, à 5 contre 5 à un moment donné. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Donc, le message était clair. Il fallait ramener les rondelles à pointe, puis prendre des lancers de là, puis aller chercher rebound. Ce qu'on n'a pas fait en première, ce qu'on était meilleur pour faire par la suite. Un club qui joue comme ça, c'est... On a un petit peu de paradis, tu l'as pointé du doigt dans le journal. Mm-hmm. Aujourd'hui, un but, 3 passes, des mises en échec, on a des punitions de l'autre côté. J'imagine que tu es satisfait avec la réponse. Oui, on a eu un petit entretien en début, avant le match. Là, c'était... Là, pour dire, c'était pas tant une punition que... C'était pas une punition, là, qu'est-ce qui arrivait. C'était juste qu'il fallait qu'il se mette à jouer son style de match. Là. À un moment donné, tu te cherches, tu reviens à ce que tu es bon à faire. Puis lui, il est bon à frapper, mettre des rondelles au filet, contrôler la rondelle en zone offensive, pas essayer de toujours faire des jeux pour rien. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il a fait. Alors, c'était les commentaires d'Éric Veilleux suite à cette belle victoire des Cataractes 9-4 contre le Weston. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pour les Cataractes cette fin de semaine? Ben, on avait deux autres matchs encore dans la fin de semaine. Donc, tout d'abord, samedi, on affrontait les Wildcats de Moncton. Donc, si la veille, ça avait été une grosse victoire... plutôt mercredi, ça avait été une grosse victoire d'équipe. Samedi, c'est plutôt une remontée de 3 buts que les Cataractes ont réussi à surmonter. Donc, en première période, les Cataractes tiraient... Après la première période, les Cataractes tiraient de l'arrière 3-1 contre les Wildcats. Ils ont remonté. Deuxième période sur un but de Dave Labrecque. Et ensuite, c'est Maxime Legault qui est venu compter à 22 secondes de la fin pour finalement l'emporter. Donc, okay. Victoire de 4-3 des Cataractes sur les Wildcats. Les Wildcats ne sont pas une équipe facile à battre. C'est un gros club, les gros défenseurs. Donc, manquait plusieurs joueurs, par contre, du côté des Wildcats. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de blessés. Les tirs au but, on l'a vu aussi encore une fois. 46 tirs contre 25, le Shawinigan. Ouais, dominant les Cataractes. Là, ça va bien, ça les Cataractes. Fait. C'est l'enfant, ouais. Sérieusement, puis depuis leur retour. De leur côté, on est en train de se demander, est-ce qu'on est vendeur ou on est acheteur dans le temps là, des fêtes? C'est ça la question. Hein. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'ils sont pognés en deux, les Cataractes. D'un côté, ils ont une équipe qui a quand même un certain potentiel intéressant encore plus depuis qu'elle joue bien, depuis le retour des fêtes. Pas des fêtes, de la H1N1. C'est pas vraiment une fête. Par contre, de l'autre côté, ce qui arrive, c'est que les Cataractes ont l'intention d'accueillir la Coupe Memorial en 2012, donc tu dois avoir un club boosté en 2012. Ouais, il faut que tu fasses si tu achètes au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il pourrait être là, tu vides ton club. En 2012, tu te retrouves avec un club très moyen. Mm. Tu vas faire pitié par encore là, cette année, je pense que c'est peut-être pas une bonne idée d'être un club acheteur. La raison pour laquelle, c'est que cette année, il y a extrêmement beaucoup de clubs qui aspirent aux grands honneurs. On a les Remparts, les Sea Dogs de Saint-Jean qui vont extrêmement bien dans les temps qui courent. Les Wildcats. Les Wildcats de Moncton. On a les Voltigeurs de Drummondville aussi. Les Huskies. Les Huskies. Le retour de Stapshock avec les Huskies. Ouais. On va en reparler plus tard. Justement, je me demande si... Je me demande justement si... Oui, non, tu m'as perdu. Là, avec, justement, c'est le fait qu'il y a tant d'équipes que ça, puis il y a tant d'équipes qui semblent être égales, si justement les Cataractes, avec un joueur de plus, ne pourraient pas justement sortir du tout. Parce que c'est quand même, il y a une parité présentement, parité qui va disparaître après le temps des fêtes selon les acquisitions de là, puis de là, puis de là. Qu'est-ce qui va arriver? Je pense que Martin Mondou est entre deux chaises présentement. Encore là, avec les acquisitions qu'on va avoir, ben on sait toujours pas ça serait quoi, mais est-ce qu'on va avoir compétitif contre des équipes comme les Sea Dogs, contre les Remparts? On va-tu perdre des joueurs d'avenir pour finalement aller en deuxième ronde en série éliminatoire? C'est ça que Martin Mondou a encore 18 jours pour décider. Je pense que c'est carrément ça. Ça, vendeur ou acheteur. Oui. Donc, c'est la question. Donc, victoire des Cataractes 4-3, comme on l'a dit plus tôt. Les buteurs du côté des Cataractes, c'est 4 buteurs différents. Donc, Nicolas Larocque-Marcoux, Charles-Olivier Roussel, Dave Labrecque et Maxime Legault. Maxime Legault et Dave Labrecque ont chacun 2 points dans la victoire. C'est Gabriel Girard qui avait la victoire, une 9e victoire pour lui cette saison. Et il affrontait Shane Owen, qui en était à son 2e match en carrière. Lui qui avait remporté son 1er match là, contre justement les Voltigeurs ce jeudi. Donc Shane Owen qui en était à son 2e match. Peut-être qu'on a laissé du repos un peu à Louis Domingue, lui qui a gaulé Domingue 1 match sur 3 dans la fin de semaine. Donc je sais pas si suite à la Super Series Subway ou que Domingue est un peu fatigué ou grippé. Mais bon, on lui donne une petite pause. Dernier match, ça se passait ce dimanche, c'était du côté de Gatineau. Une autre victoire des Cataractes, de cette fois c'est 3-2 en fusillade. Dave Labrecque, Maxime Legault et Pierrick Martel ont chacun été les buteurs. Pierrick Martel, lui, qui a été le seul marqueur en fusillade, tandis que du côté des Olympiques, c'est Benjamin Laliberté et Donny Kindle qui ont été les buteurs. Si on regarde pendant la fusillade, Christian Ouellette, Alexandre Leduc et Donny Kindle ont été arrêtés par François Lacerte, qui était le gardien désigné par Éric Veilleux. Du côté des Cataractes, Pierre-Alexandre Vandal a été arrêté, lui, à son 1er essai. Donc, victoire des Cataractes, c'est bien sûr la première étoile. Pierrick Martel, lui, qui a été le buteur en fusillade. Et on peut penser aux performances des deux gardiens de but. Maxime Clermont, qui a fait 30 arrêts, dont 2 en fusillade. Et François Lacerte, 32 arrêts, dont 3 arrêts en fusillade. Donc, ça se continue pour Lacerte. Ça va très, très bien pour Lacerte. 6 victoires, 2 défaites cette saison. Donc, je pense que Lacerte démontre vraiment qu'il est capable de garder les buts contre des grosses équipes. Ouais. Puis c'est fun d'avoir un deuxième gardien qui est capable de faire ça. Donc, c'est une 5e victoire de suite pour les Cataractes quand même. Là. Donc, depuis leur retour là, à H1N1, comme tu l'as dit, c'est 5 victoires de suite. Ça va bien et on espère que ça va continuer. Donc, et on s'en va en pause. Après la pause, on parle des Tigres de Victoriaville qui avaient une grosse fin de semaine. Exactement. Donc, on se voit dans environ 5 minutes. Le Noël du Pauvre est fier de présenter son 51e Téléthon le vendredi 4 décembre sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, Mauricie. Pour chaque dollar versé, 92 sous retourneront directement en dons pour les plus démunis dans le secteur où l'argent aura été recueilli. Desjardins, Stratos Pizzeria, les pharmacies Jean Coutu, Sears, Radio-Canada, Mauricie et CIFU 89.1 FM sont fiers d'être partenaires de la 51e édition du Noël du Pauvre. Vous pouvez faire parvenir vos dons avant le 4 décembre au casier postal 141 Trois-Rivières, G9A 5E3, ou venir les porter directement à la salle Jean-Antonio Thompson le 4 décembre prochain. Le Téléthon débutera à 17h et se poursuivra jusqu'à minuit. La 51e campagne du Noël du Pauvre, une tradition de générosité. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Parce que vous êtes surchargé au niveau de vos études et de l'emploi que vous devez assurer en dehors de vos études, vous avez besoin de repos de temps en temps. Et la Bible dit que ce repos est en Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Si tu es un étudiant qui veut faire de bonnes actions pour toi et la communauté, ta place est avec nous. Viens partager avec nous la parole de Dieu. À tous les mercredis, entre 13h15 et 14h15, au 1031 Néribaud-Chemin, à la chapelle de l'UQTR. Pour de plus amples renseignements, 819-244-9779 ou par courriel à l'adresse ashilohacommercialhotmail.com. De la scène émergente. C'est fou de peine émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 ans. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Vandal. Vous écoutez Inconduite de partie sur C'est fou. Et on va aller, on va avoir un petit problème avec la chanson que j'allais mettre. Donc, on va réessayer ça. Ben oui, l'ordi qui plante, ça, c'est le fun. Oh, on y va. Allons-y à la musique. The New By Yourself. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur C'est fou. C'était By Yourself de The New avec honnêtement là, j'ai doigt tweet toi pas là, cette chanson là. Donc on continue l'émission, allons-y. Puis à Luc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout d'abord, les Tigres recevaient le Rocket de l'île du Prince-Édouard ce mercredi dernier. Donc les Tigres qui est en quête d'une 11e victoire de suite. Si on parle des Sea Dogs de Saint-Jean qui sont à 17 victoires de suite, eh bien les Tigres en étaient à 10. Donc on espérait de continuer. Et non, malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque Marco Cousino, le gardien du Rocket de l'île du Prince-Édouard, s'est personnellement occupé des Tigres de Victoriaville, lui qui a fait 40 arrêts dans la victoire. Il a d'ailleurs été la première étoile du match. Les buteurs du côté du Rocket, Jared Struthers, 2 buts, dont un avantage numérique. Chris Doyle et Benjamin Cazavant ont les deux autres buts de la victoire. Du côté des Tigres, c'est Yanni Gourde qui a déjoué le gardien des... Le seul à déjouer le gardien Marco Cousino. C'était en première période. Donc, victoire de 4-1 de l'île du Prince-Édouard. C'est un premier revers pour les Tigres dans les 10 derniers matchs. Grosse performance de Marco Cousino dans ce match. 40 arrêts. Marco Cousino, qui est un ancien gardien justement des Vultures de Drummondville. Celui qui a déjà permis de remporter la Coupe du Président l'an dernier. Ça. Donc, encore une fois, là, on voit que Marco Cousino, un gardien de 20 ans, c'est solide. C'est du solide. Ouais, en effet. Deuxième match, c'était dimanche, puisque le match, comme je l'ai dit plus tôt, contre les Foreurs, qui devait avoir lieu vendredi, a été reporté au 12 janvier pour des raisons médicales du côté des Foreurs. Il y a beaucoup de blessures du côté des Foreurs. On peut en parler un peu des Foreurs de Val-d'Or qui ne vont pas très bien dans les temps qui courent. On s'attendait cette année à une très bonne saison. Ouais. On est allé chercher des excellents joueurs pendant l'été. Et finalement, c'est les blessures qui font beaucoup très, très mal. Raphaël Dorsault, dès le premier match de la saison, qui a été blessé, qui est encore absent d'ailleurs. Okay. Donc, blessure à... C'est-tu? Je sais pas exactement. Okay, le... une information. Non, mais il a été blessé au premier match de la saison. Et pendant aucun match cette saison, les Foreurs ont pu avoir un alignement complet. Donc, c'est un peu la même chose du côté des Foreurs que du côté des Cataractes. On sait pas. Au fait, si on est acheteur, on est vendeur. On était supposé être acheteur cette année. On était supposé avoir un gros club, se rendre loin. Finalement, on est quatrième dans notre section, quatrième de la section ouest. Donc, cette année, probablement qu'ils vont se revirer de bord, puis on devrait être un club vendeur encore une fois cette année. Donc, du côté du match entre Moncton, pour la deuxième fois, les Wildcats de Moncton qui affrontaient les Tigres de Victoriaville, c'était devant 2233 personnes réunies au Colisée Desjardins. Les Tigres qui ont très, très bien fait. En troisième période, on menait 5-2. Ça a été un très bon match pour les joueurs des Tigres. Mais par contre, petite remontée en fin de match pour les Wildcats de Moncton qui ont mis ça à 5-4. On a eu chaud, mais finalement, victoire des Tigres 5-4. Du côté des buteurs, Philippe Maillet, Brendan Hines, Maxime Lamarche, Philippe Dano et Thomas Kubalik ont chacun un but dans le match. Et du côté des Wildcats, Scott Brannon, 2 buts, Randy Cameron... Scott Brannon, 3 buts, désolé. Donc, un taux de chapeau. Taux de chapeau, 2 buts en désavantage numérique. 2 buts en désavantage, dont 3 buts en désavantage numérique pour l'équipe des Wildcats de Moncton, qui est un record d'équipe. Donc, c'est excellent. Je pense qu'on devra travailler du côté des Tigres notre avantage numérique, parce que se faire poter 3 buts en désavantage, là, c'est pas fort. C'est pas supposé. J'ai vu ça dans des ligues de garage. Tu sais, où est-ce qu'on a autant de positionnement qu'il n'y a pas de positionnement, là, j'ai pas d'idée. T'as pas de mots. Qu'une ruche d'abeilles, là, tu sais, tout le monde court partout, là. Mais dans un calibre aussi élevé, 3 buts en désavantage numérique, c'est une bonne claque en pleine face. Ouais, vraiment. Donc, c'était tout pour les Tigres. Donc, une victoire, une défaite dans la fin de semaine. Je te dirais que Cousineau s'est occupé d'eux pour le premier match. On va essayer de se reprendre, puisque du côté des Cataractes, on est en train de remonter la pente. Ouais. Donc, est-ce qu'on a le droit à quand même une bonne compétition là, dans la section? On s'attendait peut-être pas à ça au début de la saison. Mais Voltigeurs, Cataractes et Tigres, encore cette année, on devrait avoir le droit à de très bonne série éliminatoire en première. Je pense que les deux premiers sont dans le top 10 canadien. Ouais. OK. Donc, ça va très, très bien. On s'en va maintenant du côté des Voltigeurs qui étaient du côté des Maritimes. Les Voltigeurs qui n'ont arraché cette fin de semaine. On avait 3 matchs. Tout d'abord, on était jeudi à Moncton. Et encore une fois, contre les Wildcats. Et mon Dieu, ça n'a pas été facile, ce match-là. En première période, les Voltigeurs qui ont pris les devants 1-0 sur un but de Philippe Bergeron. Mais en deuxième période, les Wildcats qui ont repris les devants. Donc, qui ont pris les devants tout court. Donc, sur des buts de Ted Stevens, 2 buts. Et Marek Harvick, le troisième but. Donc, c'était 3-1 pour les Wildcats. Et en troisième période, qui ont encore les Wildcats qui en ont ajouté. Matt Brown et Andrew Roski ont été les buteurs de leur côté. Donc, victoire des Wildcats 5-1 sur les Voltigeurs de Drummondville. Donc, quand on disait que les Wildcats sont un très bon club, des gros joueurs, eh bien, encore une fois, là... Mike Hoffman, excusez-moi. C'était la première victoire de Shane Owen, son premier match. Ben c'est ça, son premier match. On avait parlé plus tôt là, qu'il avait perdu contre les Cataractes. Ben la première victoire avait été contre les Voltigeurs ce jeudi. On se transporte maintenant vendredi contre les Sea Dogs de Saint-Jean, la meilleure équipe en ce moment. Donc c'est un duel au sommet puisque les Voltigeurs au troisième rang, les Sea Dogs au premier rang. Et ça a été difficile encore une fois pour les joueurs des Voltigeurs. Victoire de 4-2 des Sea Dogs. Mais ça s'est vraiment joué en troisième période puisque c'était 2-2. Mais on a eu 2 buts des joueurs des Sea Dogs dans les deux dernières minutes de jeu. Donc, il restait environ une minute et demie quand les Sea Dogs ont pris les devants 3-2 et ont finalement ajouté un but dans un filet désert. Donc, les Sea Dogs qui remportent 4-2 devant combien de spectateurs? 5074. Donc, ça va très, très bien du côté Saint-Jean. Là, je pense que... Ils ont une bonne aréna à Saint-Jean. Une bonne aréna, puis un bon club aussi. Donc, il y a déjà eu de la Ligue américaine, hein, Saint-Jean, là, les Flames. Les Flames de Saint-Jean. Les Flames juniors, le club école. Steve Bégin avait joué là. Il s'était démoli à la face en série, vraiment, là. Même Don Cherry en avait parlé à son émission, il avait montré la photo. Écoute, t'as éclopé, puis t'as la face à Steve Bégin. Ah, oh, il était magané. Il manquait des dents, un œil noir. Ah, ben, il jouait son rôle déjà dans ce temps-là. Il essayait de monter. C'est le seul moyen qu'il pouvait monter dans la Ligue nationale, c'est de prouver. Ça, personne ne peut y ôter son cœur, en tant que tel. Yes, donc on continue. Mike Hoffman, je voulais en parler tantôt, un petit peu en avance. Donc Mike Hoffman qui va très très bien, lui qui a deux buts dans la victoire contre son ancienne équipe. Donc c'est le fun, hein? C'est un petit coussin de velours quand tu fais les buts principaux contre ton ancienne équipe, c'est le fun, hein? Ben les Vultures ont écopé. Donc Mike Hoffman qui a eu deux buts en avantage numérique et la victoire a été à Marc-Antoine Gélina, le gardien des Sea Dogs, qui en cette saison à une fiche de 16 victoires, 3 défaites. C'est un gardien de 20 ans. Pas repêché. Non, je ne crois pas. Qui? Marc-Antoine Gélina. Pas encore, non. Non, je ne crois pas, mais c'est peut-être sa dernière année de se faire valoir. On l'a vu avec le gardien des Remparts. Cédric Desjardins. Qui a été repêché à sa barre. Ben, il n'a pas été repêché. Il a été invité par une équipe par les Canadiens. Oui. D'ailleurs, donc à sa saison de 20 ans. Donc, c'est encore temps pour lui, à Gélina, de se faire valoir. Donc... C'en était. Et on se transporte maintenant dimanche au Cap-Breton, le troisième match de la fin de semaine. Et là... Encore là, ça n'a vraiment pas été facile. Une dégelée du côté des Voltigeurs. Là, je pense qu'ils n'ont mangé toute une. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé une. Ça met les idées en place. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va les remettre à la bonne place parce qu'une défaite de 10-2 au Cap-Breton, ça fait mal. Cap-Breton, pas une équipe. Ça va bien, quoi. Cap-Breton, c'est Luke Adam. Luke Adam, là. Luke Adam est excellent. Non. Olivier Roy dans les buts aussi. Donc, c'est une équipe qui pourrait aspirer aux grands honneurs. Okay. Écoute, je pense que ça pourrait être l'équipe qui pourrait justement battre les Sea Dogs de Saint-Jean là, en séries éliminatoires. Du côté des buteurs, Francis Meilleur, 2 buts. Luke Adam, 3 buts. Nick McNeil, 2 buts. Et Victor Hedberg, Taylor McDougall et Marc Bourgeois ont chacun 1 but. Du côté des buteurs, des Voltigeurs, Olivier Hott et Marc-Olivier Vachon. Donc, contrairement à d'habitude, les Voltigeurs cette fin de semaine qui n'ont pas eu le dessus dans les tirs, seulement contre le match contre les Sea Dogs qu'ils ont 31-21 contre les Sea Dogs. À part ça, ils ont toujours été moins de tirs que l'autre équipe. C'est rare parce que jusqu'à maintenant, les Voltigeurs avaient toujours eu plus de tirs que les autres équipes. Et tu vois, cette fin de semaine, ça a été plus difficile. Faut remarquer aussi que les Screaming Eagles ont compté quand même 5 buts en avantage numérique. Donc, 5-7 pour cette équipe. C'est une excellente moyenne, ça, mon Nicolas. Donc, c'est Olivier Roy qui a été crédité à la victoire du Cap-Breton, lui qui en était à une 11e victoire cette saison. Frédéric Piché qui a été remplacé par Antoine Tardif en début de deuxième période. Donc, c'est pas mal ça pour les Voltigeurs. Sébastien, les Voltigeurs, ça va pas très bien. Hein? Trois défaites, mais depuis le début de la saison. Ben, ils ont quand même encore une bonne avance au classement. Ouais, ça c'est certain, mais encore là, ça peut avoir les Tigres, comment ils vont dans les derniers temps, et même les Cataractes. Ils sont encore loin, c'est sûr, mais écoute, ça peut changer vite, là. Avec la période des fêtes, etc. Donc, on va espérer que les Voltigeurs se réveillent parce que 3 défaites de suite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça du côté de Drummondville avec la saison de l'an dernier et cette saison. Donc, en espérant qu'on se relève. Ça a brassé aussi dans les deux matchs de Drummondville. Quatre combats le match d'avant que tu as parlé, puis celui-là, 3 combats. Ouais, contre Cap-Breton. Pourtant, dans la Ligue, ils essayent d'enrayer ça. C'est ça, je me l'ai dit, il y a encore des combats dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça existe encore. Oui, Des matchs à 3-4 combats. C'est intéressant d'aller voir ça. Ben, les maths, les combats qu'il y a dans le junior, parce qu'il n'y en a plus bien. Non, c'est ça, quand t'en vois un, tu fais « Ah, oh, ouais! » Je me disais, comme la partie contre le Weston, là, que les Qataris ont gagné 9-4, je me demandais s'il y avait un peu de brasse camarade. Zéro. Zéro cœur. Mais les pénalités sont venues hanter le Weston tout le long. C'était indiscipline par-dessus indiscipline. Mais zéro au niveau de l'intensité puis de vouloir tuer l'autre équipe. Zéro. On est loin du hockey des années 80. Ça, c'est sûr. Donc, si on regarde du classement général, les Sea Dogs de Saint-Jean qui sont haut la main premiers en ce moment avec 25 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation, 51 points. Toute une machine de hockey, les Sea Dogs, cette saison. Deuxième, les Remparts de Québec avec 19 victoires, 6 défaites, 2 défaites en prolongation, 3 défaites en fusillade, 43 points. Pas loin derrière, les Voltigeurs de Drummondville, 42 points, 20 victoires, 7 défaites, 2 défaites en fusillade. Donc, un point seulement en dessous des Remparts, mais ont un match en main. Et du côté des Tigres, un point aussi en dessous. Donc, c'est très serré là entre les Remparts, les Voltigeurs et les Tigres. Je pense que ça, plus la saison va avancer, plus ça va jouer du coude. Et si on regarde au cinquième rang, c'est les Huskies de Rouyn-Noranda, justement, qui est au cinquième rang. Les Huskies de Rouyn-Noranda pour les gens de l'Abitibi qui nous écoutent. Donc, les Huskies de Rouyn-Noranda. Dis-le pourquoi, dis-le pourquoi. OK, je vous explique. Donc, tout d'abord, une jeune fille qui vient ici à l'université avec nous, à l'école, en communication sociale. Une fille qui vient de l'Abitibi écoute notre émission. Une fière auditrice. De temps en temps, comme on dit, ouais, c'est ça. Jessica de son prénom. Oui, Jessica Paradis. Donc, ben là, on l'a donné. Donc, c'est ça. Donc, là-bas, en Abitibi, ils disent les Huskies. Ils disent pas les Huskies. Donc, je me suis fait avertir là, la semaine dernière. Là, elle était un petit peu fâchée. Donc, on ne conjugue pas en Abitibi. Non, on ne conjugue pas. Ça s'écrit Huskies, mais ça se dit Huskies. Ouais, ça se dit Huskies. C'est un S silencieux. Parfait. Hey, les petites nouvelles, juste en terminant. Comme tu l'as dit précédemment, Sergei Obstachuk de retour dans la Ligue après avoir fait la super série Subway pour l'équipe de Russie et de retour dans la Ligue junior majeure de la Ligue de hockey junior majeure du Québec avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Lui, l'année passée, il a amassé 29 buts, 34 passes. Donc, c'est 61 points en 61 matchs. Donc, c'est une très, très grosse acquisition. Les Huskies qui vont probablement remonter au classement sans problème. Et du côté du Cap-Breton, Ashton Bernard, le gros colosse des Scumingas, est suspendu 10 matchs. Lui qui en est venu au coup pendant la période d'échauffement avec Marshall Morden. Donc, les deux joueurs sont chacun suspendus 10 matchs. Et dû à cela, les deux entraîneurs, Mario Durocher et Ron Schulz, ont été, eux aussi, automatiquement suspendus 2 matchs. Plus 2 000 $ d'amende par équipe. Hey, ça va faire mal aux Titans, ça. Eux autres qui ont de la misère à faire de l'argent, je pense qu'on déclare faillite, là. Non, quand même pas, mais écoute, ça va faire mal aux Titans. 2 000 $, c'est beaucoup d'argent pour un club comme celui-là. Et les joueurs de la semaine, cette semaine, Philippe Cornette, lui qui est le joueur de la semaine pour la deuxième fois pendant le mois de novembre, lui qui a accumulé 2 buts, 6 passes, 8 points en 2 matchs. Et du côté défensif, c'est Charles-Olivier Roussel, le défenseur des Cataractes, qui a 2 buts, 3 passes, 5 points dans les 3 victoires des Cataractes. Probablement là, un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Tu as bien été à la défense pour les Cataractes. Les joueurs du mois sont sortis aussi aujourd'hui. Ça vient tout juste de tomber. Là. Mike Hoffman, Kevin Poulin et Igor Galiev. Est-ce que ça vous surprend que Kevin Poulin soit le joueur défensif? Non, pas du tout. Vraiment pas. Ça va très bien de son côté. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles du hockey junior, mon Nick. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Hey, j'ai fait une petite erreur tantôt. Je me suis trompé. La première chanson que j'ai fait jouer, c'était... 11h08 de Flat, donc me suis trompé, on va cette fois-ci aller vraiment écouter Le Nombre avec la chanson D.B. Cooper. Vous écoutez les conduits de partie sur C'est Fou. La maladie me tient conseil, moi je comprends et je ne dis plus un mot. Avec elle ce n'est plus pareil, à son bras le vent me souffle dans le dos. Et je l'ai aussi dans la peau. Je deviens D.B. Cooper en parachute. À moi le magot.

Cette semaine, les Estacades affrontent le Lac Saint-Louis, qui sont derniers au classement général. Et ensuite, jeudi, ils affrontent Amos, qui sont les deuxièmes de la Ligue. Toutes les parties sont à la salle cette semaine. C'est le Challenge Midget 3A. OK. Donc, ça se fait en 2-3 jours. Ouais, c'est ce qui arrive d'habitude, là, les showcases, là, comme les on équipes, les appelle. Ouais, c'est ça. Les équipes s'affrontent dans un genre de tournoi. Le Caron et Gay disputaient aussi un match. C'était contre le Saint-François de Sherbrooke, une défaite de 4-3. En première période, Yannick Tremblay marque son quatrième de la saison sur une pénalité à Gabi Rock. Ensuite, en deuxième période, deux autres buts pour Sherbrooke, dont le deuxième de la partie de Tremblay. Mike Ouellet, ton préféré, Pierre-Luc, qui a marqué son premier but de la saison. Yes! Sur des passes de Mathieu Mandeville. On voulait pas en parler, là. Ouais, c'est pas fini, je vais en parler une autre fois. Non, mais quand il compte, ça me dérange pas. Okay. C'est quand tu parles d'occupation double que je suis pas capable. Non, on parle pas d'occupation double dans l'émission de oui, sport. Oui, tu parles d'occupation double. Qu'est-ce que tu penses de la victoire de Marie-Ève? Non, toi. Marie-Ève, ça, c'est celle avec les grosses boules et les cheveux bruns ou celle avec les grosses boules et les cheveux blancs? C'est la grosse chialeuse. Je sais pas, moi. Mon analyse se termine là. C'est comme ça que je vois ces émissions-là. En troisième période, La Liberté marque son dixième pour Trois-Rivières sur une passe à Rodrigue. Et Mike Ouellet, son deuxième but de la partie. Wow! Sur des passes de Bocage et La Liberté. Ouais. Mais en prolongation, Frédéric Bélanger. Sa remise en forme va bien, Seb. Hein? Ouais, ça va très bien. Il score pas mal plus qu'Occupation double. Oh! Oh! Ouch! Le but de Frédéric Bélanger en avantage numérique, c'est en prolongation sur une pénalité d'inconduite de partie, frappée par derrière. Ça a donc terminé 4-3 pour le Saint-François de Sherbrooke. Poitras, 37 arrêts dans la partie. Cette semaine, ils reçoivent le Saint-François de Sherbrooke et ils revisitent l'isothermique de Thetford Mines. Saguenay est deuxième derrière nous à 5 points et Sherbrooke, Saint-Georges nous suivent également. Hey, tu parlais de showcase tantôt, le showcase Midget 3. Les Dragons du Collège de la Flèche, Collégial 3, étaient justement en showcase cette fin de semaine. C'était à Sorel-Tracy. Donc, c'est un format où est-ce que tu gagnes ou tu perds ta première partie, t'en joues une autre. Après ça, c'est le gagnant de la deuxième partie s'en va en finale. Puis les perdants vont jouer une genre de finale consolation en tant que tel. Donc, t'es assuré de trois matchs. Attends, si je compte comme faut. Puis l'équipe qui s'en va en finale joue un quatrième, c'est ça. Donc, c'est une victoire le vendredi soir contre le Collège Harrington, Doka, 5-0. Par contre, samedi, contre le Cégep Lionel Groux, ça s'est terminé 3-2 en fusillade, ce qui, justement, leur enlevait une chance d'aller en finale. Et ils ont joué une partie de consolation, comme je disais, face au Cégep André Laurando. C'est une victoire de 11-1 et un tour du chapeau pour Jordan Guérin. 11-1, une bonne défaite. Et avez-vous la blessure dans le midget espoir aussi du jeune homme? J'ai vu ça, coup ouais. Par derrière, le gars, il peut-être ne marchera plus jamais aussi. C'est des coups. C'est triste, ça. Monsieur Aymon, Marc-André Aymon, je crois qu'il avait voué un bel avenir, qui était comme 6 pieds, 170 livres déjà à 15 ans. Puis il y avait déjà des pisteurs qui regardaient pour l'empêcher dans le junior. Mais c'est malheureux pour lui. Oh boy. Parlant du midget espoir, Sébastien, je sais pas si tu en avais parlé un peu. Cette fin de semaine, les Estacades qui étaient dans un tournoi, ils se sont inclinés au cinquième match. Donc, c'est un tournoi à la ronde. On avait gagné les deux premiers matchs. On a gagné les deux premiers matchs sur les quatre. Et finalement, on a été éliminés au cinquième. Mais c'est l'attaquant Simon Garon-Gravel qui s'est fait beaucoup valoir, qui a été repêché pour l'équipe d'Étoiles. Donc, gros félicitations là, à M. Garon-Gravel. C'est bon. Ski, on va commencer à parler un peu plus de sport olympique. Ils s'en viennent, les Olympiques. Ouais. On va avoir à Vancouver, ça va être plaisant. Donc, on va y aller au moins une fois par semaine avec des nouvelles de type olympique. C'était le Super G cette fin de semaine à Lake Wills pour ouvrir la saison. Et hey, un Canadien qui gagne, Manuel Osborne-Paradis, un gars du BC, si je ne me trompe pas. Là. Victoire, médaille d'or pour lui. Par contre, mauvaise nouvelle pour l'équipe canadienne de ski. Leur meilleur espoir, John Kuchera, s'est vu faire une fracture de la jambe sur une chute, sur une partie glacée de la piste. Il a été opéré, ne pourra pas participer aux Olympiques. Donc, c'est un dur coup pour les espoirs de médaille du côté du Canada en ski aux Olympiques. Donc, on va vraiment espérer mieux. Si Osborne Paradis assure comme il a fait en fin de semaine, parce que là, j'imagine que la piste qu'ils ont coursée cette fin de semaine, ça doit être la piste olympique ou presque. La piste olympique, oui. Avec peut-être quelques modifications de parcours. Là. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ben, il est temps que les Olympiques arrivent là, parce que TQS a besoin d'argent. Canal V a besoin d'argent qui rentre rapidement. Eux autres, ils veulent pas replanter. Je peux parler du UFC bien vite. Non, on va garder UFC. La boxe d'abord. Oui, vas-y avec la boxe. En fin de semaine, c'est Lucien Bouté. On peut, faut quand même en parler, là. Il demeure champion des super moyens de la IBF. 25 victoires, 0 défaites. Son 20e KO. Contre Andrade au 4e round. Et combien qu'il a touché pour le combat? 900 000 $ Bouté? Oui. Ah ouais, ben oui, he's gonna be a millionaire. C'est la plus grosse bourse pour un boxeur québécois, 900 000 $ Lucas aurait dû toucher plus que ça, mais il y avait eu un combat qui avait été annulé à cause de sa glande thyroïde. Il a perdu, tu sais, ce qu'Interbox a perdu 1 million à cause de ça. Donc, mais 900 000, ben c'est un combat local, hein, fait que, un colisée plein, c'est un colisée plein. Hey, on peut-tu parler justement du colisée plein? 16 000 personnes 16 000 se sont personnes. Déplacées pour aller voir le combat Bouté-Andrade. Donc, c'est excellent. Je pense qu'Interbox a eu des excellents commentaires sur la ville de Québec. Et probablement qu'on va avoir d'autres événements à venir d'Interbox. Aussi, ils ont approché Bouté peut-être pour affronter Kelly Pavlik, qui est quand même très connu dans sa division. Ouais, sinon, ça pourrait être son prochain adversaire. C'était le premier KO en passant pour Andrade. C'est la première fois qu'il se faisait... surprenant, par exemple. Il y avait aussi... qu'il était pas en forme, je me suis non, dit mais qu'il était pas... Il se prépare pour un combat de main. Ouais, s'il est pas en forme, c'est son problème. C'est de sa faute à lui. On a aussi un nouveau champion canadien, Pierre-Olivier Côté. 9 victoires, 0 défaite, qui a battu Jason Hayward. Donc, c'est encore une bonne nouvelle pour, au niveau de la boxe. 130, c'était des petits, 135. Ouais, c'est pas mal tout pour la boxe aussi. C'est tout. Allez, on va aller en musique. On va aller écouter du Éric Panic avec la chanson « Soldat de plomb ou d'argent ». Donc, au retour de la pause... On va avoir droit à Gabriel Lavallée qui devrait être ici en studio là, pour nous parler du combat du Gala XMF 2 qui va prendre place ici même à Trois-Rivières. Donc, bonne chanson tout le monde! Une mitraille, tu tires à bout portant. Petite machine de guerre et tu avances. Et c'était Eric Panique avec la chanson Soldat de plomb ou d'argent. Donc, on attend toujours Gabriel Lavallée qui devrait arriver dans les prochaines minutes. En attendant, t'avais une nouvelle intéressante, Sébastien? Non, c'est lui. Excuse, Pierre-Luc. Ah, ben regarde, excuse. Une petite nouvelle comme ça. Vas-y. On va parler des poussins de Pâques. Oui. De la Rive-Sud. Écoute, ils fêtent leurs 20 ans cette année, donc on devrait avoir droit à toute une saison. Eux, c'est une équipe, ben, c'est des joueurs, des hockeyeurs de Ligue de garage, comme on dit, qui jouent tous les mercredis à l'aréna de Bécancour. D'accord. Donc, une grosse fête. Hey, je joue, moi, à l'aréna de Bécancour les jeudis. Bon, ben, aussi le mercredi. On une belle aréna. Pas partie des poussins de Pâques. Ben, vois-tu Bécancour, c'est genre de place où t'as un aréna, c'est comme comment dire, gars, t'en as une, ferme ta gueule là. Si t'es pas content, là, va jouer ailleurs là. C'est de même là. Tu sais, tu regardes dans certaines petites villes, là, j'étais allé en tournoi d'hockey à Thetford Mines l'autre fois. Bon, l'aréna de Thetford Mines, c'était un 2-3 000 places, t'sais, avec des loges, t'sais. Mais t'as Black Lake à l'entour. Black Lake déjà un petit peu plus petit, c'est du Junior 3 qui joue là. T'as Coleraine qui est dans un coin, puis t'as East Broughton qui est dans l'autre coin. Bon, ça, c'est des plus petits des petits bourgs, des petits endroits. Il y a un aréna, OK? Tu sais, genre un aréna que t'as toutes les bannières qui sont gagnées depuis 1982, là, à peu près. Tu sais qu'il y a une équipe qui a gagné la Coupe Dodge, puis tout le monde a capoté, c'était la nouvelle. Il y a des photos partout dans l'aréna, là. Donc, c'est vraiment ça. T'as un aréna, là, ferme ta gueule. Tu l'as eu, là, compte-toi chanceux, là. Les chambres sont petites, ça pue un peu, là. L'eau est pas tout le temps courante, là. C'est pas grave, compte-toi chanceux. Les poubelles sont vidées une fois par semaine avec le vieux stock. Exactement. Ah bon, ben en attendant Gabriel, on va aller à une autre petite chanson. On va aller chercher. Ils sont arrivés d'ailleurs. Donc on a Gabriel et Jordan qui se joignent à nous en ce moment-ci en studio. Donc on va tout de suite y aller. Oh bien, gars? Yes! Yes! Allons-y. Seb, tu veux-tu commencer avec ton UFC, par exemple? Ouais, le temps que les gars s'installent? C'est la finale en fin de semaine du Ultimate Fighter. On a droit à 3 combats qui vont être impliqués des combattants connus quand même. Il y a Frank Edgar qui se prend contre Matt Veach. Edgar a une fiche de 10-1 dans les 155 livres. Veach a 10-11-0. Edgar est reconnu pour être quelqu'un de très endurant. Il y a eu des victoires contre Sean Sherk, Hermes Franca, Spencer Fisher et Tyson Griffin en carrière. Veach est plus connu comme quelqu'un de puissant. Mais je prends ma prédiction pour Veach qui devrait gagner par KO. Il y a John Jones qui a 8 victoires, 0 défaites. Qui s'en prend à Matt Hamill, qui souffre d'une surdité. C'est une de ses caractéristiques. Ah, mais c'est une caractéristique intéressante. C'est un très bon combattant quand même. 8 victoires, 2 défaites. C'est un plus un boxeur. Il y a quand même... ses 2 défaites, c'est contre Franklin et Bisping. Tandis que Jones va gagner, qui a beaucoup plus de technique. Il y a 3 victoires à UFC. Jones par KO. Et c'est le premier combat de Kimbo Slice à UFC. On va voir ce qu'il est capable de faire. C'est plus une vedette pour les combats de rue, mais on sait jamais. Il s'en prend à Houston Alexander. Slice était obligé de baisser à 205 livres pour le combat. Je vais y aller avec Kimbo Slice, vu que je l'aime bien, mais Houston Alexander, ça va être toute une opposition quand même, parce qu'il a prouvé qu'il a quand même pris des gros combattants avant. Mais Slice, pour le spectacle, KO, premier round, avec très peu de coups de poing. C'est ton opinion là-dessus, toi, là? Ouais. Je te laisse là-dessus, moi. Je suis pas tout à fait de ton avis là-dessus, mais on va voir. Ouais, là. Je me suis pas trompé souvent dans les prédictions. Non, t'es quand même tight au niveau de tes prédictions, toi. Ça a de l'allure, d'habitude. Ouais. Fait que c'est tout pour UFC? Ouais, mais parce que le prochain UFC, c'est le 12 décembre. J'en parlerai plus la semaine prochaine. Ça va impliquer BJ Penn, Sanchez, Chick Congo, Frank Mir, puis finalement, Kenny Florian, puis Clay Guida. On verra. C'est bon. Gabriel Lavallée, comment ça va? Super, toi. Ça va très, très bien. Donc, Gabriel, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Conte-nous ça avec XMF2. Gros gala. Sébastien Cyr, finalement, affrontera pas Pascal Gosselin. OK. Ah non, c'est Il va affronter Steve Bégin de Sherbrooke, nouveau champion poids lourd de la UMF. OK, UMF, ça, c'est à Sherbrooke en tant que oui. tel? OK. Ça se déroule où, leur gala, eux autres, à Sherbrooke? En fait, ça se déroule dans les forces extrêmes. OK, c'est le gym là-bas. Okay. Au 42 Wellington, à Sherbrooke. Le dernier gala a eu lieu samedi dernier. Il y avait un de mes gars, Jimmy Bernard, de Trois-Rivières, un joueur de hockey, qui se battait contre Steve Bégin en finale pour la ceinture de la UMF. C'est plate, Jimmy Bernard a passé à 2 poils de gagner la ceinture de la UMF. Mais c'est pas grave. Steve Bégin l'a remporté. Ce qui est sûr et certain, c'est que Jimmy Bernard va essayer d'aller rechercher le titre. Puis, pour l'instant, ben, Sébastien Cyr va affronter Steve Bégin en finale sur XMF2. Tommy Bellemare, qui va affronter Anthony Pellerin de Longueuil, champion de taekwondo. OK. Ça risque de faire des étincelles. Tommy, ses habiletés un peu, ça se trouve à être où exactement? C'est stand-up. C'est stand-up, c'est vraiment, OK. Vraiment, les punch kicks, j'ai rarement vu là, un athlète là, avec aussi une aussi bonne puissance de frappe, là. Surtout avec ses jambes. Surtout avec ses jambes. Mais il y a des bons takedowns. C'est comme son dernier combat. Il a knocké son adversaire en quelques minutes, là, quasiment quelques secondes, avec un takedown, une projection très impressionnante. Puis, en tant que tel, là, la plupart des combattants, là, pour ceux qui n'ont jamais vu un gala XMF, là, hey, premièrement, je vais l'expliquer. XMF, c'est de la boxe, pas de la boxe, excuse, du combat ultime. Ben en fait, c'est des arts martiaux mixtes. C'est des arts martiaux mixtes. C'est différent. C'est un autre sport. Vas-y. C'est différent du combat ultime qu'on connaît, qu'on voit à la télé. Parce que du combat ultime, ça se passe dans une cage. On a comme protection seul des gants d'MMA 4-11. On n'a pas de protection aux chevilles ni aux tibias. C'est des rounds de 5 minutes. On a le droit au coup de coude. On a le droit au coup de genou. Ça fait des grosses différences sur les combats, puis sur les blessures aussi. Tandis qu'en amateur, on travaille dans un ring. On a des gants de boxe amateur. 16-11, tu sais? Oui, c'est ça. 16-11. Des gants réglementaires. C'est pas 16-11, pardon, c'est 10-11. 10-11, OK, excuse-moi. On a des protections tibia obligatoires. C'est des rounds de 2 minutes. Puis les coups de genoux, les coups de coude sont interdits. Okay. Complètement interdits. Fait qu'un coup, on fait un clinch en tant que tel. Un clinch, une prise en arrière de la tête, dans le fond. Oui, c'est légal. On a le droit d'appliquer les kicks. Que ce soit au visage, au corps ou aux jambes. À partir du clinch, la position clinch, on a le droit d'appliquer les kicks. Okay. C'est juste qu'on ne peut pas frapper avec les genoux. C'est bon. C'est bon. Donc, là... Oh boy. Donc, continue là-dessus. La part des gars qui sont là en tant que tel, c'est des gars de la Mauricie, toi que t'entraînes à ton gym. Oui, exactement. Il y a environ 9 fighters de Trois-Rivières qui vont combattre sur l'événement XMF. Entre autres, on retrouve Tommy Bellemare, Jean-Philippe Giroux. Giroux, son adversaire, c'est qui ce coup-ci? D'autres, on le connaît plus parce qu'on est en communication avec. Là, mais Hugo Saint-Onge. Okay. Il a déjà affronté quelques de nos gars. C'est un bon combattant, c'est un gars du TriStar, c'est là que Georges Saint-Pierre s'entraîne. OK, ouais, à Montréal. Donc, lui est entraîné par Firas Zahabi. Ça va être bon, ça va être bon. Moi, je pense que... Il va revenir avec une victoire. Pas mal sûr que Jean-Philippe revient avec une victoire sur ce combat-là. On veut le voir avec un sourire, là, lundi. Oui. L'autre fois, pas lundi, samedi. On veut le voir avec un sourire samedi. Ah, il était déjà arrivé magané, à un moment donné. Ouais, mais, quand il rentre magané avec un sourire, c'est déjà ça. À la fin du gala avec XMF1, il était assez déçu. Il s'est fait prendre la dernière minute par une clé de bras une fois. C'est deux fois contre le même adversaire. Le gars, c'est un spécialiste de clé de bras. Ben, effectivement. C'est de valeur parce qu'il gagnait son combat. Il gagnait son combat. Il était sur le dessus d'une shot. Donc, combien de combats en fin de semaine? 16 pour l'instant. OK. On retrouve aussi Marc Dumas du X9 qui va combattre, va faire son premier combat contre Luc-Xavier Lacourcière de Berthierville. Ça va être le premier combat de la soirée. On va retrouver aussi Alexandre Caron qui est sur une bonne lignée de victoires qui a combattu la semaine dernière à Sherbrooke et l'autre semaine d'avant à Rivière-du-Loup. Ça avait fait un très beau combat. Trois combats en trois semaines. Oui. Il s'entraîne fort, pas là-dessus. Ben, ouais, je l'ai vu hier, là. Il travaille. Il est bon. Oh, il est bon, il est bon. Il écoute, c'est le fun, ça. J'aime ça, quelqu'un qui écoute. Il est discipliné. Il fait vraiment ce que je dis, puis ça marche, ça fonctionne, parce qu'il gagne ses combats. D'habitude, c'est là que tu t'améliores quand t'écoutes. Billy Prou Carbonneau aussi va combattre contre Loïc Pâtissier de la Beauce. Loïc qui s'est amélioré énormément au cours des derniers mois. Josué Darvaux, notre jeune prodige, qui va combattre probablement Tommy Côté, le cousin à Steve Claveau, qui est lui ici sur une grande lignée de combat, de victoire. Alexandre Galarneau, lui, il est à 3 combats, 3 victoires. Il a fait un combat en fin de semaine, ça a fait une nulle à Sherbrooke, j'ai pas aimé la décision du tout. Ça n'a pas été une bonne décision. Il aurait dû gagner ce combat-là. C'est pas grave, des choses comme ça, ça arrive. Ce qui est sûr, c'est que moi, je le sais qu'il a gagné son combat, lui ici, puis tout le public le savait. Dominique Roy-Lelièvre risque de combattre contre Jérémy McNamara. Ça, c'est l'ancien combattant Tommy Belmore qui avait tenté la ceinture de la XMF. Ça s'était fini assez rapidement. Dominique Roy-Lelièvre qui est âgé de 16 ans, 17 ans. 16 ans, 17 ans. Ouais, je voulais savoir, y a-tu une limite d'âge pour combattre non. là-dedans ou non? Non, il n'y a pas de limite d'âge. Tu vois, en fin de semaine, c'est à Sherbrooke. On a vu des kids, ils devaient avoir quel âge? 11 ans? 11 ans, ah ouais, tant que ça. C'était un bon combat, là. C'était nice. Ah ouais, fait que c'est comme, dans le fond, c'est comme vu que c'est amateur, il n'y a pas de limite d'âge. J'imagine professionnel, tu peux pas avoir 18 ans. De toute façon, non, c'est ça. Puis tu dois pas te lancer dans le professionnel avant justement avoir assez d'expérience. Non, c'est sûr. Toi, tu fais des combats professionnels. Oui. Bon, c'est ça. Fait que le temps au moins de se développer complètement au niveau du corps. Exactement. C'est complètement illégal de combattre professionnellement avant 17 ans. Mais ça arrive souvent qu'à 17 ans, à 18 ans, pile, les combattants se retrouvent dans le ring. J'ai déjà vu des combattants qui, à leur fête de leur 18 ans, ils étaient dans le ring professionnel. Il y avait hâte. J'espère juste pouvoir souffler tes bougies après le combat. Parce que... Donc, il va y avoir aussi Maxime Giroux et Martin Vadnais, deux gars de Berthierville qui vont s'affronter dans un combat sans merci. Ça va être assez impressionnant. Jimmy Bernard va affronter Yann Odette de la Beauce. Jimmy Bernard qui avait battu... Bigra, Charles Bigra de Montréal, un gars très impressionnant, gros, musclé, fort, expérimenté. Il s'est fait casser la pommette de joue. Lors d'une montée complète à Rivière-du-Loup. Donc, Jimmy Bernard qui est un combattant à 250 livres, oui. 6 pieds 4, très impressionnant, fort physiquement, un vrai brawler, peur de rien, pas peur des coups, pas peur... la seule chose qu'il veut pas, c'est perdre. Fait que il y a des très bonnes intentions pour ce combat-là. Aussi, Jason Desmarais va peut-être combattre Mathieu Lompré de Longueuil. Ça, c'est un ceinture mauve en jiu-jitsu, ceinture noire en kyokushin karaté. Ça va être un combat très impressionnant. Ça risque de rester debout, mais avec la ceinture mauve de jiu-jitsu de Lompré, il y a des possibilités que ça se retrouve au sol. Steve Tessier, ça c'est le jeune qui avait fait l'introduction sur XMF1. Ok. Je pense que j'ai jamais vu un gars aussi shapé que ça à 135 livres. Là. C'est vraiment incroyable. Cut. Okay. Même Georges Saint-Pierre s'est entraîné avec lui et a dit qu'il était aussi fort que lui physiquement. Ça part bien comme introduction. Ouais, mais attention, il va affronter Iman Zabi. Ça c'est le frère de Firas Zabi, okay. l'entraîneur de Georges Saint-Pierre. J'ai vu des reportages un peu genre, c'est vrai, c'est-tu lui l'anglophone qui est vraiment au niveau de l'entraînement qui est très tight avec Saint-Pierre, il donne la pendant les entraînements puis j'en ai aucune idée. J'en avais un je trouve qui sortait plus de l'ordinaire au niveau de ses coachs là, qui était je penserais pas. Non, OK. Je penserais pas, il a l'air très calme, c'est okay. Un gars qui est très calme, Firas, j'ai jamais vu s'énerver. Même son frère, la façon qu'il enseigne là, Donc, Iman, qui enseigne au TriStar, il est pas juste combattant, il est professeur, puis il a un niveau, vraiment, on sait pas ce qu'il fait dans l'amateur, tu sais. OK. Il a un niveau tellement élevé, là, il a un niveau de renommée internationale. Tu sais, le gars, là, il s'entraîne avec Kenny Florian, tu sais, il est sparring avec Quentin Rampage Jackson, Rashad Evans. C'est un gros nom quand même à avoir pour le combat, pour le gala. C'est un très gros nom. C'est un très gros nom, il est dur à booker. Ouais, si c'est ici, il est plus sûr. Sauf que si c'est pas lui, ça va être un autre, c'est ça. Moi, je le veux sur ma carte, je veux combattre sur XMF2, puis ça vaut la peine. C'est un des plus gros galas qu'il y a au Québec. Ouais. Les gens, ça se passe où, ça, exactement? Ça se passe au Séminaire Saint-Joseph, le nouveau gym qu'ils ont construit, là, collé sur le séminaire. C'est samedi prochain, le 5 décembre. À 17h30, on risque d'ouvrir les portes à 6h30. C'est ça? 19h30, OK. Ouais, 19h30. Ça va être gros. Les gens qui veulent des billets, on vend des billets au Noctogone, 484 rue des Forges au centre-ville. C'est l'ancien club Performance. On vend des billets aussi chez Bailey's, okay. Bière Lounge, face de la Puce Rock, à côté du Torréfacteur. Chez X9, à côté du Daruma. Mettons entre le DART et le McDonald's. Pour ça, numéro de téléphone, quelqu'un voudrait te rejoindre? 819-244-74-55. 244-74-55. Vous pouvez consulter mon site internet www. www.noctogone.com. K-N-O-C-T-O-G-O-N-E. Noctogone.com. Parfait. Gabriel, tu nous as donné 8 billets qu'on va faire tirer. Ouais, donc, ouais. Les gens, vous nous envoyez un courriel au live@commercialinconduitedepartie.com. Les 8 premiers qui m'envoient ça, je vous remets des billets pour l'événement de ce samedi. Donc, 19h30. 4 billets VIP en plus. Donc, Dépêchez-vous. Gabriel, merci beaucoup d'avoir été là. Right, ça fait plaisir. N'oubliez pas, il y a 15 combats à la carte. Le plus gros combat d'ultime amateur jamais vu au Québec. Ne manquez pas ça, 5 décembre. XMF2. On s'en va une pause. On va être de retour dans environ 5 minutes. Une petite toune d'Against Me après la pause. Écoutez les palmarès, c'est fou, les mercredis et jeudis de 13h à 15h, en édition anglo le mercredi et franco le jeudi. Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu Plante. Tout ça, on rappelle, les vendredis soirs des 17h à C'est fou. Découvrez le 6e album du projet Biobazar, Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète net. iTunes, Amazon, Beatport, Napster, eMusic. Pour ne nommer que ceux-là. Futuristic Psychedelic Archives, pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible au dannyjanvier.com. Elle est de retour et elle n'est pas contente. Avec son championnat de jam débile... Enregistré au Café Chaos, ma tante Frère, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de ma tante Frac, tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM! Against Me avec la chanson American Abroad. Et on y va tout de suite avec un peu de football. Est-ce que JP Grenier est en onde? Salut les gars. Ça va bien? Ça va bien, JP. Eh oui, JP. Yeah. C'était une grosse fin de semaine au niveau du football, là, que ce soit avec la Coupe Grey, que ce soit avec justement la Coupe Vanier, ou que ce soit avec la fameuse semaine des rivalités au niveau du football américain. C'était le Thanksgiving aux États-Unis, l'action de grâce. Donc, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock en fin de semaine. Coupe Grey, on y touchera pas trop. Je pense que le 13e homme a été assez couvert comme ça. Ben oui, grosse fin de semaine. Puis. Non, c'est ça. J'aimerais ça vous parler plus en détail de la Coupe Vanier, surtout, qui avait lieu à Québec. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, gros match, là, un match spectaculaire, qui s'est fini par un manque de 33-31 pour l'Université Queen's. Fait intéressant à remarquer, dans le fond, Queen's perdant à mi-temps. Oui, en effet, c'était 25-7. 25-7, puis les gars sont vraiment revenus. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux demi, les coachs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont peut-être dit de donner tous les boys, puis let's go. Ouais, ben c'est sûr que c'est deux équipes qui se connaissent pas beaucoup. On pouvait seulement voir, tu sais, ils ont probablement étudié l'autre équipe sur des bandes vidéo, beaucoup dans la semaine, mais c'est vraiment dans les deux premiers quarts qu'on analyse l'autre équipe, les forces, les faiblesses. Puis c'est vraiment pendant le mi-temps que je pense que l'équipe se remet et met les choses à la bonne place, comme on dit. Bon, donc, je pense que c'est la meilleure analyse de football que Pierre-Luc a fait. honnêtement, t'es sa coche là-dessus. Là. Wow! Le gars de junior qui vient de rentrer ça comme si... Il a fait ses devoirs. Écoute, on dirait John Madden. Écoute, rien de moins. Hey, grosse foule à part de ça à Québec. Grosse foule. Les gars, la foule, même si dans le fond, c'était pas le rouge et or, ils se sont présentés pareil. C'est vraiment intéressant. Ça prouve que les gars, dans le fond, la foule prend ça à cœur. Puis en plus, ils ont eu tout un match. 6 000, ben 6 000 de plus. C'est offensif, des gros jeux, belle performance des deux carrières. J'ai rien à dire. Ben, gars, il ne pouvait pas demander mieux pour un samedi. Puis tellement une grosse journée à Québec, là, en plus avec le combat de boxe. Ça devait être plein là-bas, sur les routes. C'est 35 000 personnes environ qui se sont déplacées pour aller voir soit un combat de boxe ou un événement sportif. Ouais, parce que là, tu avais gros du touriste de Queens qui sont pointés là. Il y avait gros du jaune quand même. Il y avait gros du rouge aussi, mais c'était plus justement gros. Il y avait gros du monde du rouge et or, des tripés de rouge et or qui prenaient pour les Dinos. Le rouge est resté rouge en tant que tel. C'est juste que ça a switché pour Calgary, mais. Quel match officiellement. Puis je pense qu'on peut dire ça a été les gens des équipes de football ont adoré l'expérience ici même à Québec dans le fond. Ils trouvaient que l'organisation ça devrait tout être là en tant que tel. C'est vraiment intéressant pour eux. Ça va être encore à l'an prochain, c'est ça. Mais tu sais, ils parlaient plus. J'ai été étonné par contre qu'on rajoute pas de plus d'estrades temporaires au niveau des pistes de course. Il me semble qu'il aurait pu rentrer une grosse estrade dans le fond. Puis, parce que 6 000 personnes de ses côtés, je sais pas si vous avez déjà vu un match du Roger Hall qui est assez full tight. Là. Moi, j'avais vu une finale de la Coupe Dunsmore, UTEC contre Wilfrid Laurier. Gars, les joueurs, ils rentraient à deux pieds de moi. Là. J'ai jamais crié autant de que ça d'une shot. Là. Et puis, en plus, je parle bien anglais, donc je leur criais en anglais. Puis le lineman, sans il... Sans aucune gêne. Ah non, sans aucune gêne. J'ai-tu l'air d'un gars gêné, là? Non. Donc, non. Donc, vraiment, c'était serré un peu. Fait que c'est ça. Puis en plus, on s'entend-tu que c'est la meilleure Coupe Vanier depuis 5-6 ans? Ouais. Côté match, côté performance. Oui, exactement. Le spectaculaire, des gros jeux. Puis même si c'était pas le Roger Hart, c'est sûr que le monde va être déçu. Mais ils ont eu un excellent show pareil, là. Oui. Je pense que les gens ont quand même très bien participé, malgré que le Roger Hart n'était pas là. Les billets étaient vendus, d'ailleurs, avant le match Roger Hart-Queens. Ah oui, c'est normal. C'est ça. J'aimais voir, il y a quand même eu un tailgate avec... les gens du Rouge et Or se sont pointés pour le tailgate, puis vraiment le gros party d'avant-match, tu sais, il y a un, je sais pas si tu sais laquelle que je parle, JP, il y a un char rouge, peinturé rouge au complet, les vitres. Un genre de station. Un station, là, avec toute l'installation, eux, ils traînent avec un genre de crinque, là, un peu comme une dépanneuse, là, qui amène là, il était présent sur place, là, avec son installation, donc belle réponse de la part de Québec, vraiment, là. Et quelle performance de la part de Danny Brannigan. Moi, dans mes prédictions, j'avais dit que Brannigan et les Queens ne pourraient pas sortir un match aussi fort que contre Laval. J'avais raison jusqu'à demi. Trophée Ted Morris pour lui. Ouais, trophée Ted Morris pour lui. Par contre, c'était Glavik, le carrière de Calgary, qui avait gagné le Hec Creighton. Avec deux équipes différentes, fait que c'est la première fois. Premier carrière qui gagne le trophée Creighton en double. Donc, vraiment ça. Qui a gagné? Le meilleur coach, c'est Sumara qui a gagné l'entraîneur de l'année aussi dans la CIS. Donc, c'est pas mal ça pour les trophées. T'avais-tu ton... Vas-y. Brannigan, Glavitch, c'est des corps de comment? Ben, c'est leur quelle année? Fini. Glavitch, il y a des équipes intéressées dans les Canadiennes, il paraît, mais... Mais eux autres, ils reviennent plus universitaires, là. C'était ça, ma question. Il me semble que non. Il semble que non pour les deux, c'est terminé. Brannigan, c'est fini officiellement. C'est son dernier match qu'ils disent. Puis Glavitch aussi, c'est terminé. Glavitch a dit après que c'était pas comme ça qu'il voulait finir sa carrière de football, mettons. Mm. Hey, bel afro en passant, Glavitch. Hey, mais il s'est fait knocker, par contre. Ça, je vais lui donner le bénéfice du doute. Il s'est fait knocker deux fois qu'il a dû sortir du terrain. Là. La deuxième fois, là, écoute, il voyait des étoiles. Là, il cherchait sa mère dans les estrades. C'était évident. Il a peut-être joué des blessés un peu dans la deuxième demi, ce qui n'a pas aidé à ses performances. C'est Chris Smith qui l'a ramassé, je vous en prie. OK. Donc, vraiment, il a cherché... Il a goûté, mais tu sais, c'est ça le football. Hein. C'est rarement facile. En plus, fin de match dramatique, on essaie de convertir deux points. Ça marche pas. Fait que non, c'était vraiment le fun pour ça. Puis dans le fond, c'est sûr que la Ligue perd des corps comme Benoît Groulx, Brannigan, Glavitch, mais avec des gars comme Brouillette, tu sais, Colin, ça regarde juste pour le mieux. Puis j'ai vraiment hâte de voir si Glavitch peut faire sa marque dans la CFL. J'en doute sur le carrière canadien. Je l'ai déjà dit mon opinion là-dessus. Les carrières canadiens ne se taillent pas de place dans la CFL pour la simple raison que un carrière compte pas sur ton quota de joueurs américains, de joueurs canadiens. T'as 20 joueurs canadiens dans ton alignement, le carrière ne compte pas toutefois. Donc, tant qu'à aller chercher un gars qui a joué dans la NFL ou Éric Glavitch, lequel tu prends? Ah, t'as bien raison. Ouais. Mais peut-être comme receveur de passe, écoute, tu serais pas le premier joueur qui se modifie de position, là. On peut juste penser à Mathieu Bertrand, là, on en a parlé, là. Mais Mathieu Bertrand qui est passé de. Qui a fait le changement de position le plus bizarre, à part s'il serait devenu joueur de ligne, là. Mais passer de carrière à fullback, là. C'est quoi en anglais, fullback? En français, fullback, sais-tu? C'est un demi-intérieur. Demi-intérieur, demi-complet, en tout cas, demi-fullback. En tout cas. On se comprend, là, fullback. FB, là. Hey, moi, j'ai assisté à l'après-match. Dans le fond, je voudrais que ça l'a brassé beaucoup. Les joueurs de Queens qui ont fêté très, très fort au Dagobert, samedi soir. Toutes les gardes, il y avait du monde en tabarnouche dans la place. Et j'ai été impressionné par comment que les joueurs ils étaient gros. Comment qu'ils étaient grands. C'est des monstres, ces joueurs-là. C'est l'enfer. Puis je vous dirais que ça a fait été fort en tabarnouche. Il y avait beaucoup de monde d'Ontario, justement, là, qui était là. Puis, grosse soirée, je vous dirais, là, après match. C'est bon. JP? Oui? On y va-tu avec le NCAA? Parce qu'il nous reste environ 6 minutes. Bon, de toute façon, ça sera pas bien ben long. Il s'est pas passé grand-chose, ben oui. En fait. Ben oui, il s'est passé plein de choses. Une grosse semaine, JP. Il s'est pas passé grand-chose, les boys. Hey, deuxième défaite de Pittsburgh, deuxième de Georgia Tech. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est juste pour dire que la logique était respectée dans tous les matchs, pratiquement, pour ce que vous avez nommé, là. Ça oui, mais je pense que tu as eu des matchs qui ont fini beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus serrés que ça aurait été supposé. Texas contre Texas A&M, 49-39, pas supposé, ça, là. Mais tu sais, c'est des matchs de rivalité, hein? Donc, tu sors tout le temps le meilleur de toi dans un match de rivalité. C'est pas nouveau, ça, là. Pour ma part, j'ai bien aimé... dans le fond, il y a deux matchs que j'ai retenus surtout, là, que Mississippi State ont gagné contre Ole Miss. Ça, c'était pas prévu pendant tout. Je pense que dans les 8 dernières années, c'était Ole Miss qui ont gagné. Ah ouais? Sinon, Notre-Dame... qui se font battre à Stanford, parce que là, j'avais le goût de vous parler de Toby Gayhart. Vas-y. Oui, le porteur de ballon de Stanford. Penses-tu qu'il y a une chance au Heisman ou Thibault est déjà cadenassé sur le Heisman? Ben, le problème avec Thibault, c'est que... Il manquait des matchs? Non, c'est pas ça. Le problème pour Gayhart, plutôt, c'est que Thibault n'a pas perdu un match. Il a encore mis des statistiques quand même assez bonnes. Encore 20 touchés par la course, 20 touchés par la passe. Il a tout le temps été un joueur clé pour Florida dans la victoire. Donc, non, il a vraiment dominé. Ça va être vraiment serré. Là, t'as 3-4 gars qui peuvent être candidats potentiels. T'as Thibault, t'as McIlroy à Alabama, le carrière, et t'as Colt McCoy. Mais Toby Gayhart, il y en a gros qui disent que ça va être la surprise. En plus, un porteur de ballon blanc, là, je sais pas que ça fait grand temps. Tu sais, c'est tout le temps le stéréotype du porteur de ballon noir. Ouais. Là, c'est un le gars, blanc, le là. Gars athlétique, là, puis... Exactement, Gayhart, lui, c'est un gros bonhomme qui... Coburn, hein, Evan Coburn, c'est directement ça, lui qui avait fini... Quatrième meilleur porteur de l'histoire de West Virginia, Coburn, si je me trompe pas. Non, de la Ligue. Ah, oh, l'NCA? Ouais. Ah, oh, je pensais que c'était de West Virginia au complet. Non, non, non, c'est de la Ligue. Aïe, aïe. Je savais pas ça, là, tu m'as surpris, ouais. Là. Chameleonaire. Chameleonaire, il ressemble bientôt. Donc, non, c'est ça, Gerard, j'aimerais vraiment ça qu'il gagne. Puis c'est ça, ben, tu sais, je pense pas que le gars fasse la NFL, sauf que là, il a le record de chip au Stanford, puis il est encore vraiment dominant samedi, là. Un joueur important dans la victoire de Stanford à l'arraché contre Notre-Dame. Genre de gars que on pourrait voir atterrir dans la CFL? Ouais, c'est un genre de soutien, là. Ben, un genre de Coburn, dans le fond. Parce qu'ils ont pas le même style, là. OK, il est plus power, tu sais. C'est ça, il est plus en puissance. À qui peut-être Jesse Lumsden. OK. Ouais, j'espère qu'il n'est pas aussi fragile que l'homme. Il est blessé. Mais ils ont bien le bien même style de course. OK. Hey, t'as qu'à parler de la victoire de Stanford contre Notre-Dame. Qui s'est fait couper la tête? Charlie Weiss. Charlie Weiss, exactement. Hier soir, la nouvelle est tombée. Charlie Weiss, mis dehors de Notre-Dame. Lui qui avait été... écoute, ça avait-tu été couvert, tu penses, toute la venue de Weiss de Nouvelle-Angleterre à Notre-Dame, puis il allait relancer le programme de Notre-Dame, puis tout ça. C'est pas arrivé, finalement. C'est pas arrivé, puis il y a des rumeurs qui disent que ça serait peut-être Urban Meyer de Florida. Non, il a annoncé qu'il restait à place. Ah, OK. Parce que je sais que lui, il a la réputation, dans le fond, de, tu sais, c'est pas un gars qui va rester là 10-15 ans. Il va aller rebâtir un programme. Quand il a réussi, il va passer d'une place à l'autre. Mais l'affaire avec Urban Meyer, c'est qu'il est déjà un des coachs les plus payés de la ligue. Là. OK, il change. Donc, pas ça va lui donner quoi de changer de place? Notre-Dame, ils donneront pas bien plus d'argent. Là. J'ai les coachs de Cincinnati, Brian Kelly, Jim Harbaugh, puis Gary Patterson. Ouais. Moi, j'ai aussi Kirk Ferentz d'Iowa qui pourrait être un candidat en tant que tel. Il y a un texte très intéressant sur ESPN de Mark Shaw. Schlabach, en tout cas. Candidates Notre-Dame might consider. Donc, il fait la liste des candidats que Notre-Dame pourrait considérer. Pourquoi il est le bon gars et pourquoi ça marchera pas. Pourquoi il pourra pas aller là. Donc, comme on a dit Kelly, on a dit Arba, on a dit Ferentz. Ouais, c'est ça, Ferentz. Ouais, Ferentz. Urban Meyer et Gary Patterson qui est à TCU. TCU qui, cette année, encore sans défaite, qui vont se tailler une place dans un bowl du BCS. Et Chris Peterson de Boise State. Boise State qui est aussi encore parfait cette année. Reste à voir s'ils vont pouvoir se classer pour un bowl du BCS. On le sait avec toute la bisbille qui tourne autour de ça. Ils sont limites un peu. OK, puis là, j'ai une question pour toi, Nicolas. Vas-y. Tu vas pas une fois me répondre. Vas-y. TCU, sont-ils dans le Big 12? TCU, sont pas dans le Mountain West? C'est ça, parce que là, j'étais là, tu sais, à Alabama, Floride, ils se rencontrent pour le SEC Championship. C'est un match en passant. Ouais. Ah ouais, ben oui. Ça va être comme la finale avant la finale, là, si on veut. Parce que, Un contre deux. Un contre deux, une défaite dans l'année. Puis dans le fond, j'étais là, tu sais, TCU est dans le Big 12, ils vont bien se battre contre Texas pour... Non, c'est ça, TCU sont dans le Mountain West, donc... C'est pour ça qu'ils ont une cédule facile comme ça. OK. C'est ça qu'ils sont quatrième. Sans enlever leur mérite, ils ont quand même bien joué toute l'année. Ouais. Moi, je pense que cette fin de semaine, on peut y aller avec nos prédictions. Là. Cette fin de semaine, Florida devrait l'emporter contre Alabama, tant qu'à moi. Ouais, dans le championnat de la SEC. Je suis d'accord. Alabama m'ont pas impressionné en fin de semaine contre Auburn. Ça s'est fini 26-21. Là. C'est pas le genre de performance que tu veux avant d'aller en championnat national. Pas championnat national, mais championnat de conférence contre un club comme Florida, qui eux ont battu Florida State 37-10. Pas que... Et en plus, que, ils ont vraiment le momentum. Florida, je les ai vus jouer en fin de semaine. Ils ont la wave. Là, OK. Thibault, il va vraiment tout donner. Il s'en va. Puis il avait promis le championnat au début de la saison. Puis je sais pas, vous avez vu son fameux jeu de passe, la fin du saut. Puis après, il lance dans la zone de toucher. OK. C'est un peu comme un jeu truqué. Puis, tu sais, cette année, ça a marché là, 11 fois sur 10. Là, fait que, ça a marché, pardon, 10 fois sur 11. Là, fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alabama vont peut-être se préparer en conséquence contre la course. Mais non, mais c'est ça. Mais, puis même avec des pertes comme Murphy puis Percy Harvin, là, chapeau à Florida qui ont sorti une grosse année. Puis, parlant tantôt de Jim Harbaugh, je sais qu'il y a eu plusieurs rumeurs qui l'ont envoyé dans la NFL à cause de son frère. Là. Ouais. C'est son frère qui coach, dans le fond, les Ravens de Baltimore. Dans le fond, il fait une méchante belle job, fait que, tu sais, c'est ça, là. Il y a peut-être la rumeur qu'il l'enverrait là. Fait que ça va être à voir pour ça. Moi, personnellement, je pense qu'il va quand même rester à Stanford, puis essayer de bâtir là-dessus. Bon, il parle plus que YS, lui, il retournerait dans la NFL. Ouais, c'est ça, comme un coordonnateur. Ouais. Hey, il reste pas beaucoup de temps. On a oublié de parler d'un upset, mais Oklahoma State a perdu 27-0 contre Oklahoma. Qui viennent de scraper les chances d'Oklahoma State d'être dans un bowl du BCS. Donc, aïe aïe, tant pis pour eux autres, là, mais ça, c'est le genre de défaite qui fait pas du bien à l'orgueil. Il y a aussi un gros match cette semaine, Cincinnati-Pittsburgh, ça va te surveiller. Cincinnati-Pittsburgh, soyez pas étonné si Cincinnati perd. Pour le top 10. Si Cincinnati perd, Boise State devrait se entrer dans un match du BCS. Allez, on finit, on manque de temps, comme d'habitude. Hein? C'est ça qui arrive avec nous autres. On va y aller avec le... T'as-tu des... JP, tu vas me nommer tes matchs à suivre cette semaine là-dedans. Nous, on va parler, vois-tu, calendrier. Hockey, c'est les Patriots finissent les derniers matchs avant la pause du temps des fêtes, des études. Ils vont être en Ontario, ils vont faire beaucoup d'autobus. On monte à Nipissing, à North Bay, pour être précis, contre Nipissing. C'est vendredi soir, 19h, et samedi, c'est contre Carlton, à Ottawa. C'est à 15h. Donc, c'est ça pour les Patriotes, il n'y a pas d'autre chose. Hockey Junior, Pierre-Luc. Hockey Junior, les Cataractes qui ont trois matchs cette fin de semaine. Tout d'abord, ils sont à Drummondville mercredi soir pour y affronter les Voltigeurs. Ils sont à Bécomo vendredi et ils reviennent au Centre Bionès dimanche pour encore une fois jouer contre les Voltigeurs. Donc, deux matchs très importants cette fin de semaine. Voltigeurs, Cataractes, deux affrontements. Donc, on va voir si les Cataractes, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Et du côté de Victoriaville, ils sont sur une séquence de 7 matchs à domicile. Donc, ça se continue. Ils reçoivent Rimouski mercredi, Val-d'Or vendredi et Chicoutimi dimanche. Et pour les Voltigeurs aussi, ils recevront la visite de l'Océanique de Rimouski samedi à 16h. C'est bon. T'as-tu la liste des matchs devant toi, JP? Non, je l'ai. Ouais, c'est ça. Hein? Je viens de penser que ton ordinateur, t'as des problèmes techniques. Exactement. Donc, je vais, moi, Oregon State va affronter 16e, va affronter Oregon 7e. Jeudi, c'est jeudi. Hein. C'est probablement un des gros matchs de la semaine, à part, bien sûr, samedi 4h. Ça doit être sur les ondes de CBS. C'est sur les ondes de CBS. Florida contre Alabama, c'est le match à suivre. Il va y avoir aussi d'intéressant Texas contre Nebraska à 8h le soir à ABC. Cincinnati-Pittsburgh, comme on l'a dit. 5e contre 15e. Attendez-vous à ce que Cincinnati perde. C'est ma prédiction. Et il y a plus d'autres matchs. Non, c'est pas mal ça. G-Tech Clemson, mais c'est... Ouais, c'est 7-15e. C'est l'autre qui était à Cincinnati, c'est 5-8e. OK, c'est bon. Allez, c'est ce qui conclut l'émission pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se laisse en musique. On va aller écouter du Fred Fortin avec la chanson Dolorama. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye, bonne semaine. Semaine. Tu devais...